Vous écoutez Vivacité, il est 17h. Déballage médiatique insupportable, c'est ce qu'on retiendra de l'intervention de Bernard Westphal et de son avocat aujourd'hui aux assises du Hainaut. Les procès se font avant les procès. Moi, je ne sais pas comment on va pouvoir encore trouver des jurés qui sont vierges de toute impression. Philippe Mayence, très critique envers les journalistes lors de la composition du jury qui sera chargé de juger Bernard Westphal dès lundi prochain. Douegbert annonce la fermeture de son usine de Grimbergen, près de Bruxelles. 274 emplois sont menacés, un scénario à la Caterpillar, selon les syndicats de l'entreprise. De moins en moins de curés en Belgique, ils étaient 10 000 en 1960, il en reste 3 000. Pour faire quoi? Quelle est la vie d'un curé en 2016? On appellera un jeune prêtre de Franley en vain. De nouveaux métiers font leur apparition aujourd'hui. Coursiers, ces gens qui font vos courses, celles que vous commandez par internet. L'e-commerce est en forte hausse en Belgique, y compris en alimentation. Et puis du foot européen ce soir avec 4 clubs belges en lice pour la Coupe d'Europe et un gardien, celui d'Anderlecht, qui en a marre de prendre des buts. Le journal sans vivacité, c'est avec Manu Delporte. Bonjour Manu. Bonjour Cyril, bonjour à tous. D'abord cet incident à la Chambre, les députés rentraient symboliquement aujourd'hui et on a entendu des propos racistes dans le chef d'un élu VLD. Oui, les débats portaient sur Caterpillar et puis une députée socialiste, Meriam Kitir, parlait de l'exception pour les travailleurs âgés, de la possibilité de prendre une prépension plus tôt, comme ce fut le cas pour les travailleurs de Ford Gang. Pendant son intervention, le libéral flamand Luc Van Biesel l'a interpellé. Puis, il a terminé par un retourne au Maroc qui a été entendu sur les bancs de l'opposition. Les écolos ont dénoncé ses propos. Le libéral a d'abord nié les avoir tenus, puis depuis sa place dans l'hémicycle, il a expliqué que si ses propos avaient été mal compris, il s'en excusait. Meriam Kitir, de son côté, explique qu'un parlementaire avec sa fonction d'exemple ne peut pas se laisser aller à un tel dérapage. Bernard Westphal, meurtri par la boucherie médiatique dont il est l'objet. L'ancien homme politique comparaîtra lundi devant les assises du Hainaut pour le meurtre de son épouse Véronique Pirotton. Aujourd'hui, la Cour a composé le jury d'assises, a désigné 7 hommes et 5 femmes. C'est eux qui suivront le procès de bout en bout. Ce matin, Fabrice Gérard, Bernard Westphal était présent, son avocat aussi, et tous les deux ont fortement regretté le déchaînement médiatique autour de cette affaire. Comment voulez-vous être serein après une telle boucherie médiatique ? Boucherie médiatique, Bernard Westphal avait apparemment préparé sa formule puisqu'il l'a répétée à plusieurs reprises ce matin. Et vous allez l'entendre, l'ancien député wallon explique qu'il vit très mal les multiples fuites dans la presse de ces derniers jours. Je ne vous cache pas évidemment que je suis meurtri par ce que j'ai lu sur moi ces derniers jours. Sur l'homme que je suis, c'est insupportable à vivre. Voilà pour le ressenti de Bernard Westphal, mais quelles vont être maintenant les conséquences de ce déballage médiatique sur la sérénité des débats? Jean-Philippe Mayence, l'avocat de l'accusé, n'hésite pas à charger les pratiques d'une certaine presse. Moi, je suis écœuré par le fait que les procès se font avant les procès. Moi, je ne sais pas comment on va pouvoir encore trouver des jurés qui sont vierges de toute impression tous les jours, dans la presse écrite, dans la presse télévisée. Moi, je trouve ça un scandale, mais c'est votre déontologie, vous appréciez comment vous la faites. Mise en danger possible de l'impartialité des jurés, ces fuites mettent également à mal la présomption d'innocence dont doit pouvoir bénéficier tout accusé. Bref, c'est bien dans un climat d'extrême tension que débutera lundi le procès de Bernard Westphal. Un fameux cafouillage dans les aéroports aujourd'hui. Les voyageurs ont dû prendre leur mal en patience. Des dizaines de vols retardés au départ et à l'arrivée. Des retards de 2 heures parfois. Des vols détournés aussi à Zaventem, à Charleroi et à Liège. Le problème viendrait d'une panne technique chez Belgo Control, Romain Bardet. Dans le hall des départs de Zaventem, pas d'embouteillage en ce milieu d'après-midi. Le trafic est plus calme que ce matin, mais beaucoup de passagers ne sont même pas au courant du problème. Non mais alors je me demande si je dois rester ici, attendre 6h35 ou... parce qu'on vient de Lille. Vous pouvez nous dire juste ce qui se passe un peu. Communication technique, des pannes vers de Bruxelles, vers Liège, quelque chose comme ça. Et on n'en sait pas plus en fait. Il n'y a pas plus d'informations. Est-ce que votre vol est impacté maintenant ou pas du tout? A priori non. Il n'a pas l'air pour l'instant. Ce couple a déjà 1h45 de retard affiché au tableau de bord et attend toujours des informations. Une information. Est-ce qu'il y a des annonces dans l'aéroport qui disent aux passagers qu'il y a un problème technique? Franchement, non, rien. Je suis étonnée qu'on n'ait pas ces informations par haut-parleur. Cette femme attend l'arrivée d'un passager depuis 4 heures déjà. Ça permettrait de faire autre chose que d'attendre 4 heures dans l'aéroport. Belgo Control a fini par trouver les sources du problème à Spa et Saint-Hubert, mais tout n'est pas encore résolu. C'est la première fois que ce système informatique rencontre des problèmes. On est en train d'investir dans ce système, donc précisément. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. On travaille dans un secteur très technologique où des problèmes du genre ne sont jamais à exclure, bien qu'on fasse tout ce qui est possible pour les éviter, évidemment. Depuis ce matin, ce sont 15 vols qui ont été annulés à Bruxelles et 4 vols sur 10 ont été perturbés. C'est la loi des séries, une nouvelle tuile pour l'emploi à Grimbergen. Oui, plus de Dwegbert dans l'air. La direction a annoncé ce matin son intention de fermer l'usine Jacobs Dwegbert de Grimbergen. 274 emplois sont menacés. Alors à Grimbergen, on fabriquait des dosettes, du café filtre, du café en grains, et le café filtre a de moins en moins de succès. L'usine est trop petite pour réaliser de grands volumes, trop cher pour faire des volumes spécialisés, ça c'est ce que dit la direction. Pour les syndicats, c'est un coup de massue et un scénario déjà vu, comme le dénonce Luc de Bast de la CSC ACV. L'histoire qu'on a ici est à proximité un peu la même histoire que les gens à Caterpillar ont vécu, ça c'est une évidence. Qu'est-ce que la direction vous donne comme explication? C'est surtout le coût de la production, ça c'est ce qu'ils évoquent, et ils ont 14 entreprises en Europe. De ces 14 entreprises en Europe, il paraît qu'ici, Grimbergen est le plus faible. Et en deuxième ordre, ils disent aussi, voilà, on va vers des usines très grandes, qui sont méga capacités comme Utrecht en Hollande, ou bien des usines plus petite, mais beaucoup plus efficace. Et Grimbergen est là entre les deux. Luc de Bast de la CSC à propos de la fermeture de l'usine Dwegbert, des propos recueillis par Véronique Fievé. En tout, depuis le mois de septembre, les entreprises belges ont annoncé plus de 4000 pertes d'emplois, coup sur coup donc après Dwegbert. Avant cela, il y a eu aussi aujourd'hui MS Mode dans le secteur du prêt-à-porter, Halliburton, groupe de services pétroliers, et le rachat de l'usine Côte d'Or de Hall par Harry Calbot ne rassure pas les travailleurs. Voilà pour aujourd'hui donc. Bref, le moral de Chris Peeters, le ministre de l'économie, n'est pas au beau fixe, mais il faut travailler, dit-il. Nous avons eu Caterpillar, on a eu AXA, on a PMV et maintenant Dow Experts. C'est un grand problème et je suis inquiet parce que ce ne sera pas le dernier dossier. Et on doit travailler plus dur que jamais pour créer l'emploi, pour être sûr que les travailleurs peuvent travailler aussi dans l'avenir. Alors quand vous dites qu'il faut travailler plus fort, plus vite... Mais ce n'est pas évident parce qu'on décide au headquarters de fermer des usines, etc. Ce n'est pas du tout évident, mais on doit réfléchir, on doit continuer à créer l'emploi. Mais maintenant, on doit être calme, mais c'est une tâche énorme pour le gouvernement. Et on doit travailler évidemment avec des décisions qui sont déjà prises, mais on doit aussi réfléchir quelles mesures, quelles possibilités on a pour éviter les dossiers comme Caterpillar, etc., etc. Mais ce n'est pas du tout évident. Chris Peeters avec Marie-Paul Jeunhomme. De bonnes nouvelles aussi hein, en matière d'emploi. L'association Terre ouvrira bientôt un nouveau pôle logistique à Couillé, près de Charleroi. Un pôle dédié à la collecte, au tri, à la valorisation des déchets textiles. 15 emplois seront créés. On parle aussi de 40 emplois chez Thomas et Piron qui s'installent à Wanlin en province de Namur. Une profession en pénurie à présent, celle de curé. Il y en avait 10 000 il y a 50 ans en Belgique. Il en reste 3000. Alors bien sûr, il y a moins de fidèles aujourd'hui, moins de messes, mais on le sait, tous les villages rêvent aussi de conserver leurs églises. Bref, la profession de prêtre aujourd'hui, ce n'est pas de tout repos. Philippe Pardons, vous êtes prêtre à Frasnes en Hainaut, Frasnes-Léonvin. Philippe Pardons, bonsoir. Bonsoir. Dans votre région, ça se passe comment? Vous êtes combien de curés pour combien d'églises? Alors, je suis donc dans une unité pastorale qui comporte 21 paroisses. Et dans ces 21 paroisses, il y a 2 curés et moi je suis le vicaire. Donc nous sommes 3 prêtres en tout pour 21 églises. D'accord. Et ça veut dire qu'il y a aussi en dehors des églises pas mal d'activités. Hein, pour les curés, il y a les mouvements de jeunesse, les hôpitaux, quoi d'autre encore? Tout à fait. Je m'occupe beaucoup, c'est vrai, de mouvements de jeunesse, mais aussi de catéchèse. J'ai lancé une troupe de théâtre en lien avec la catéchèse, donc je fais un peu de théâtre aussi. Je m'occupe des familles, il y a de l'accompagnement pour les célébrations de funérailles, de baptême. Ça fait combien d'heures par semaine quand on est curé aujourd'hui, en 2016? Ah, ça je ne les calcule pas. Voilà, l'agenda se remplit quand il se remplit. Il y a des moments qui sont plus intenses que d'autres, mais je ne m'ennuie pas. A priori, c'est un petit peu plus que 38 heures semaine. Oh, je pense, oui. Surtout actuellement, vu que c'est la rentrée dans les écoles. Mais comme je m'occupe aussi de la catéchèse, il y a à la fois la pastorale scolaire, la catéchèse, les jeunes et les mouvements de jeunesse. Donc là, c'est un peu le grand moment maintenant. Et ça fait quel salaire, hein? Ça rapporte combien d'être curé aujourd'hui? Alors, ça rapporte 1800 euros par mois. Donc, je crois qu'on n'a pas à se plaindre au niveau du traitement. Mais il y a des études aussi. Largement assez. Il y a des études j'ai à faire. J'ai fait des études avant, oui, le séminaire. C'est combien d'années d'études? J'ai eu 8 années de séminaire. Et si je suis prêtre aujourd'hui, c'est ni pour le salaire, ni par rapport au temps de travail. C'est pas par rapport au temps de travail, ni au type d'études à réaliser. Oui, bien sûr. Hein, vous nous le disiez d'ailleurs hors antenne, hein, Philippe Pardons, vous avez répondu à un appel. Ce métier, c'est une vocation au service d'une communauté qui peut d'ailleurs être un petit peu plus active pour remplir une série de missions. Philippe Pardons, merci. Faire les courses, certains détestent ça, alors du coup ils délèguent. Quelques clics sur internet et voilà, c'est un employé du supermarché qui prépare vos commissions et vous les charge même dans le coffre. Un drive-in en quelque sorte qui séduit de plus en plus de clients. Le secteur affiche une croissance de 15%. Lionel Denebourg est allé en coulisses et a suivi le parcours d'un coursier. La liste de courses dans une main, le caddie dans l'autre, Patrice Hutin file entre les rayons. Maintenant, ça va faire bientôt un an qu'on fait ça, notre équipe non-stop. Et on commence à... Allez, on a chacun notre parcours. Parcours rodé pour remplir le caddie en un minimum de temps. Par exemple, ici, il y a 4 feuilles. On peut la faire en 20 minutes. Maintenant, on peut avoir une commande où il n'y a peut-être que 2 feuilles et ça va nous prendre une demi-heure. Tout dépend des produits spécifiés. Mouchoir, bac de bière, tranche de jambon, Patrice peut facilement prévoir l'agenda des clients. Surtout quand il faisait fort chaud, on voyait les gens commander de la bière, du rosé, du charbon de bois et de la viande. Ben, on savait bien qu'ils allaient faire soirée barbecue, donc ça c'était bien marrant aussi pour nous. Marc Ardenne est manager chez Carrefour et il est capable de prévoir les jours d'affluence. On a des jours bien spécifiques comme le vendredi et le samedi, où on sait que c'est une très grosse affluence. La météo aussi a une influence, donc s'il fait très mauvais, ou très chaud, à ce moment-là, on a plus de débit au niveau du drive. Quelques minutes plus tard, notre préparateur de colis termine sa commande avant de recommencer encore et encore. Même quand j'ai fini ma journée, je rentre et je fais encore les commissions. Il faut être motivé. Hein. Et la croissance, elle n'est pas de 15%, mais de 175%. Au deuxième trimestre, les Belges ont dépensé 65 millions d'euros pour des courses alimentaires via Internet. À Namur, les fêtes de Wallonie se préparent. Les Namurois vont bientôt entrer en transe. Les premiers concerts commencent ce soir. La Wallonie a aussi récompensé ses personnalités, ses associations les plus emblématiques. Le réalisateur et acteur Bouly Lenners, la chanteuse Alison de Rouve et le jazzman Steve Houben, par exemple, viennent de recevoir le Mérite Wallon. Une bonne nouvelle aussi pour ceux qui avaient l'habitude d'emprunter la Nationale 4 à hauteur de Martelange. Elle est totalement rouverte à la circulation. En revanche, toujours sur la même Nationale 4, les travaux aux abords de Bastogne vont se poursuivre jusqu'au 20 octobre. À 17h13, une question. Comment va Hillary Clinton? Est-ce qu'elle est remise de sa pneumonie? On sera bientôt fixé. La candidate démocrate à l'élection présidentielle américaine reprend sa campagne aujourd'hui à Greensboro, en Caroline du Nord. Et puis, elle participe à un dîner à Washington. Hillary Clinton, 68 ans, avait été victime d'un malaise dimanche à New York lors des cérémonies anniversaires des attentats du 11 septembre. Aujourd'hui, un sondage ne lui donne plus que 2 points d'avance sur Donald Trump. Un Donald Trump en excellente santé, c'est son médecin traitant qui vient de détailler les résultats d'un récent examen médical. En France, plusieurs manifestations aujourd'hui contre la loi travail, notamment à Grenoble où une délégation de Caterpillar était présente. À Paris, la manifestation situation a dégénéré. Un manifestant et 5 policiers sont blessés. Une douzaine de personnes ont également été arrêtées. On passe au foot. Après la Ligue des Champions, voici la Coupe d'Europe. 4 clubs belges sont qualifiés. Ce soir à 21h, le Standard reçoit les Espagnols du Celta Vigo. La Gantoise joue à Braga au Portugal. Mais il y a déjà 2 matchs à 19h. Genk est au Rapid Vienne. Enfin, Anderlecht accueille les Azeris de Kabbalah. Les Bruxellois sont favoris de cette rencontre, même si Anderlecht n'arrive quasiment plus à boucler un match sans prendre un but, et ça chipote un peu le gardien du Sporting, Davy Rouf. J'essaye chaque semaine de garder le zéro. Je fais et on fait de notre mieux. On bosse dur à l'entraînement. Parfois ça marche, parfois pas. On essaye chaque semaine. Ce n'est pas juste maintenant que je me mets à y penser. Je pense que ce n'est pas simple d'être premier gardien à Anderlecht. J'ai joué quelques bons matchs, quelques moins bons matchs, mais c'est normal aussi pour un jeune gardien. Selon mon avis, je joue pour l'instant correctement, mais je dois être capable de faire mieux. En tant que premier gardien, je suis plus dans la lumière, je joue plus de matchs. Tous les 3 matchs, je dois en sortir un excellent. Donc forcément, ma situation est très différente de quand j'étais sur le banc. Interview signée Manuel Jousse. C'est une soirée, bien sûr, à suivre sur Vivacité. Oui, émission spéciale des 19h. Merci beaucoup, Manu. À tout à l'heure pour les titres de l'actu. 17h16, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info. Comment ça roule, Pierre Collard-Bovy? Comme si, comme ça. Ça dépend des endroits, évidemment. Avec une camionnette en panne sur le 19 Valenciennes-Mons à hauteur de Jemappes, l'abandon droite est neutralisée, il y a des files en direction de Mons. Sur le 40, Aix-la-Chapelle-Bruxelles, dans le fameux chantier de Charat, eh bien vous perdez comme d'habitude 45 minutes en direction de l'Allemagne. C'est vraiment pas facile entre l'heure et Charat. Et puis vers Bruxelles, vous ralentissez également entre Charat et Herstal. Un accident sur la 6 en Delon-Saint-Chenay à hauteur de Havrois-Laveux. La bande de gauche est neutralisée, file en direction de Chenay. Des travaux vous ralentissent sur le 25 Bastogne-Liège entre Gomzet et Tilf. Il y a des files entre Gomzet et Tilf. Vous perdez une quinzaine de minutes en direction de Liège. Accident à Anderlecht, la chaussée de Mons, c'est à hauteur de la chaussée de Mons, le passage est difficile, vous ralentissez en direction de Halle. Dans les tunnels de Bruxelles, eh bien, un véhicule est en panne à Bruxelles dans le tunnel Béliard. La bande de gauche est neutralisée en direction de Le 40, soyez prudent en abordant ce tunnel, et cela étant, vous ralentissez dans la plupart des tunnels de la capitale. Un véhicule est en panne également sur le ring de Bruxelles en extérieur, à hauteur de Woluwe et Saint-Etienne. La bande droite est neutralisée en direction de Zaventem, et puis sur le ring de Bruxelles, 21 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 20 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard, plus 11 pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem, et plus 10 minutes pour l'intérieur Carrefour Léonard au titre. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verre basique inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. De 17h à 19h sur Vivacité, 5 à 7 avec Cyril. Ce soir dans le 5 à 7, on va parler de l'événement animalier de la journée, le Baby Pi, le panda de Péridaza. Ça y est, il a un nom. Alors quel nom exact? Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On verra comment ça se prononce exactement, parce que ça s'écrit Tian Bao. Je doute bien que ça se prononce pas Tian Bao, hein. Vraiment pas son origine, quoi. Il est pas français, le petit panda. On verra ça avec Alexandra, l'attachée de presse de Péridaza, dans quelques minutes sur Vivacité. On parlera aussi tout à l'heure d'une arnaque, une arnaque que vous voyez peut-être passer dans votre boîte mail et sur Facebook, qui concerne des bons d'achat dans des magasins, entre autres Colruyt. On verra tout à l'heure, ça concerne Colruyt et Aldi. Comment faire pour pas se faire piéger? A priori, sur Facebook, quand vous voyez des bons d'achat, généralement c'est un peu une arnaque. Mais on aura Testachat qui viendra nous préciser à quoi vous devez faire attention tout à l'heure. À propos de réseaux sociaux, Twitter va changer un petit peu. Je ne sais pas si vous utilisez ce réseau social. On peut envoyer des messages, 140 caractères maximum. Eh bien, ça s'assouplit un petit peu, ça va changer, parce que Twitter est en perte de vitesse dernièrement. Twitter ne gagne plus d'argent. On verra ce qui va changer, en quoi ça vous concerne, tout à l'heure dans le 5 à 7. L'image du jour aussi, on reviendra sur ces voyageurs qui ont dû se retrouver face à l'annulation de leur vol. Ils n'ont pas pu partir en vacances. Jonathan Bradfer viendra nous retrouver donc pour l'image du jour.

Alors non, c'était un peu plus cérémonial que religieux, ouais. On va dire. On a dévoilé la plaque à son effigie, qui viendra se rajouter aux deux plaques de ses parents, qui sont déjà dans le jardin des pandas. Et donc, officiellement, la famille est au complet. Alors, il y a des photos qui ont circulé aujourd'hui, des photos, des vidéos, où on le voit, entre autres, sur la page Facebook de Péridaïsa. On le voit dans les bras d'une soigneuse. Il est content quand il voit du monde comme ça, ou il est stressé, Tian Bao? Alors, il a, pendant sa petite sortie, fait deux petits cris. Ouais. Qui nous faisait comprendre qu'il était temps de rentrer. C'était bien la première fois qu'il voyait autant de monde. Tania, sa soigneuse, avait commencé à le sortir un peu ces jours-ci, le matin, avant que les gens arrivent, pour qu'il s'habitue à la route, au bruit. Oui, parce qu'il allait en plus dans un nouvel univers pour lui. C'est une partie du parc qu'il ne connaissait pas. Tout à fait. Et hier, on a mis un peu plus de monde. Tous les jours, on a mis un peu plus de monde. Et bon, aujourd'hui, on a demandé à la presse présente d'être silencieux, évidemment, quand il arrive. Mais ça ne l'a pas empêché à deux reprises de faire un petit cri, comme il l'en a fait dès sa naissance. Ouais, en disant « ramenez-moi chez moi, je suis plus tranquille à la maison ». Voilà. Alors, Tian Bao a vu donc du monde aujourd'hui, c'était son baptême. Est-ce que, comme le veut la tradition, il a un parrain, une marraine? Alors, on n'a pas encore ouvert le parrainage pour Tian Bao. Moi-même, je dis encore des fois « babyté ». Donc, il va falloir que je m'y habitue. L'important, c'était surtout pour l'instant qu'il passe le cap des 100 jours, qu'on lui trouve un nom. Et puis maintenant, on a plusieurs années devant nous avec lui, et donc on peut prendre quelques jours pour réfléchir quand même. On peut se proposer, comment ça se passe pour être panda, pour être parrain de panda? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être parrain de panda? Ah, il faut avoir des super pouvoirs, Cyril. C'est mal barré alors, ce ne sera pas pour voilà. Tout de suite. Bon, on espère que tout va bien se passer pour lui, qu'il va avoir, il n'y aura pas de petite fête, il n'y a pas de cadeaux, tout ça pour un baptême, pour un panda. Alors, on a fait un petit cadeau à sa maman. Ah, quand même! Qu'est-ce qu'elle a reçu? Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale en Chine, parce que c'est la fête de la Lune. D'accord. C'est aussi pour ça qu'on a choisi la journée du 15 septembre. Cette nuit, la Lune, elle était la plus pleine, elle était la plus lumineuse de toute l'année. Et donc, elle symbolise en Chine, cette nuit, l'union familiale. Et donc, pour ce faire, évidemment, on a beaucoup fêté Tian Bao, mais bon, la maman a quand même travaillé aussi. On lui a fait un gâteau spécial fête de lune pour les pandas. Et donc, quand elle est revenue dans la grotte et qu'elle a retrouvé son petit après la cérémonie, elle avait cette surprise d'avoir un gâteau de 4 étages. Excellent. Voilà. Qu'elle a pu déguster. Elle n'a pas vraiment beaucoup regardé son petit tout de suite. Elle a d'abord mangé. Et papa, il n'a rien fait, il n'a rien reçu, parce que lui aussi, il a fait du boulot quand même. Non, pas tant que ça. Bah, pas tant que ça. Alors, on rappelle qu'il a été aidé par un soigneur, mais il n'a rien reçu, lui. Il reçoit tous les jours. Il reçoit tous les jours. C'est comme ça. Voilà, oh là. C'est pas lui qui l'amène à la crèche. Mais c'est partout pareil. Voilà, le papa, on l'oublie. Merci, Alexandra, de nous avoir donné des nouvelles de Tian Bao. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. Il est 17h27. On fait le tour des animaux qu'on trouve tout mignons ce soir dans le 5 à 7. Est-ce que vous avez un animal que vous préférez? Ça peut être le panda, ça peut être autre chose. Tout à l'heure, on nous disait la loutre par SMS. Quel est l'animal qui vous fait craquer, devant lequel vous dites, oh, c'est mignon? 3063 pour me le dire. On fait un tour sur vos messages juste après ça. Tu as remarqué, plus les journées raccourcissent, plus les nouvelles collections automne augmentent. Toi, tu es passé chez Espace Mode. Et je compte bien y retourner avec toi. Stop aux automnes moroses. Espace Mode présente toutes les nouveautés de la saison dans les marques les plus tendances. Sweats, jupes, pulls, pour toute la famille et pour tous les goûts. Espace Mode sera ouvert ce dimanche 18 septembre de 10h à 17h. Espace Mode à Péroué et à Genneval. Retrouvez-nous sur Facebook et notre e-shop espacemode.be. Viva Bruxelles présente les 800 ans de Saint-Gilles. Vivez la fête d'ouverture au Barbie de Saint-Gilles en famille ou entre amis. Animation pour enfants, théâtre de rue, cours de danse, live painting et concert exceptionnel de The Plains. Le samedi 17 septembre, dès 16h, info stj800.be. Un événement organisé par la commune de Saint-Gilles et les rencontres saint-gilloises. Wallonie en fête oblige. L'avenir va jauger, causer et déviser Wallon le samedi 17 septembre. La une du journal sera traduite en Wallon pour l'occasion. De quoi être binoche ou content, hein? L'avenir de ce samedi 17 septembre, un collecteur Wallon à ne pas manquer. L'avenir est au contenu. Bientôt temps. choisir ma nouvelle voiture, j'ai vraiment envie d'autre chose. Profiter des dernières technologies. Ce Pilot Assist de série dans la nouvelle Volvo S90, par exemple. Il adapte automatiquement ma vitesse au véhicule qui précède et m'aide à rester bien au milieu de ma bande. La sécurité, ça compte pour moi. Et le design, pur, parfait. La nouvelle Volvo S90, essayez-la durant les journées découvertes. Jusqu'au 17 septembre, chez votre distributeur Volvo. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Venez redécouvrir ce dimanche, sans voiture, Bruxelles ma belle. Rendez-vous dès 10h pour déjeuner sur l'herbe, au pied de l'Atomium. À 13h, tous en selle avec Joël Scorils. Et à 16h, concert gratuit de Willy William et Magic System. Venez bouger avec nous, ça vous fera un bien fou. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Excusez-moi, la Peugeot 308, là. Les projecteurs avant full LED, elle a ça ? Elle l'a. Et la navigation sur écran tactile, elle l'a ? Elle l'a, elle a bien plus que ça. Elle a le toit panoramique et elle a aussi l'eye cockpit et le combiné tête haute. Ah bon, elle l'a ? Non, elle les a. Oui. En septembre, chez Peugeot, on en fait un max pour nos clients. Parce que c'est le mois du max. Profitez de reprises exceptionnelles, de l'offre 50-50, 50% de remise sur 100% des options. Et de 3 ans d'entretien offerts sur les véhicules de stock. Rendez-vous dans tout le réseau Peugeot. Offre soumise à condition. Coucou, c'est moi, Hip. Une grande soirée ou un petit repas, il y a toujours un vin qui vous convient. C'est la foire au vin dans votre hypermarché Carrefour. Alors profitez de notre grande action. 3 bouteilles de Château Laborne achetées, bam, 3 gratuites, soit seulement 4,50€ la bouteille. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Voir conditions en magasin, notre savoir-faire se déguste avec sagesse. C'est 7h30, voici les titres de l'actu, c'est avec Manu Delporte. Avec ses propos racistes d'un parlementaire à la Chambre, pas bien joli pour une rentrée parlementaire. Un député libéral flamand interpellait une socialiste flamande, elle aussi, qui s'exprimait à propos des conditions de prépension chez Caterpillar. À la fin de son intervention, il lui a lâché « Retourne au Maroc ». Il faut savoir que la députée est d'origine maghrébine. Les écolos sont montés au créneau. Le libéral a d'abord nié avoir prononcé de tels propos, puis il a prononcé des excuses. Le parti du député l'Open VLD a condamné l'attitude de son parlementaire. Dans l'actu aussi, la composition du jury d'assises dans l'affaire Bernard Westphal, 5 femmes vont juger l'ancien député wallon dès lundi. Ce matin, Bernard Westphal et son avocat Philippe Mayence ont dénoncé le déballage médiatique qui entoure ce procès. Ils regrettent que le procès soit fait avant le procès. Bernard Westphal se dit profondément meurtri parce qu'il a lu à son sujet. Ces nouvelles douches froides concernant l'emploi avec l'annonce de la fermeture de Douegbert, 274 emplois concernés à Grimbergen, des pertes d'emplois aussi chez MS Mode et chez Haliburton. En France, des manifestations contre la loi travail un petit peu partout aujourd'hui et des incidents essentiellement à Paris, 6 blessés à Paris dont un policier brûlé à la jambe. 12 personnes ont été arrêtées avant et pendant la manifestation. Des échauffourées ont éclaté avec les forces de l'ordre, avec des jets de cocktails Molotov, des tirs de gaz lacrymogènes. On en reparle dans le journal de Justine Hermans à 18h. Merci Manu. Il est l'heure de tout savoir sur la météo à 17h32 grâce à Dominique. Quel temps va-t-il faire ? Quelques averses encore ce soir et cette nuit et des minima qui vont redescendre entre 12 et 15 degrés. Demain, on aura changé de masse d'air avec des averses le matin, ceci dit assez rare, et puis des éclaircies quand même, maxima 19 à 24 degrés. Notez qu'une zone de pluie assez active arrivera demain soir à partir du littoral. Un rafraîchissement qui va s'installer et qui va se poursuivre pendant le week-end. On reviendra à des valeurs normales de température pour la saison, 16 à 19 degrés. Samedi avec des averses et dimanche avec un temps plus sec. Notez que le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest. Merci Dominique. Sur les routes, comment ça se passe? La réponse tout de suite avec le RTBF Mobile Info présenté par Pierre Collard-Bovy. Eh bien beaucoup, pas mal en tout cas, de petits soucis, notamment ces travaux qui vous ralentissent sur le 42 Mons-Liège entre Chapelle-Lerlémont et Gouy. Vous êtes ralenti sur 3 km en direction de Liège. Une camionnette est en panne sur le 19 Valenciennes-Mons à hauteur de Jemmap. Vous perdez 15 minutes en direction de Mons. Des travaux sur le petit ring de Charleroi. La 503 vers le ring 9 de Charleroi est fermée à la circulation, ce qui occasionne de gros ralentissements, de gros problèmes de circulation, d'en plus qu'il y a des répercussions sur la N90 venant de Marchienne au pont vers Charleroi. Alors sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle, la hauteur de Cherat, évidemment vous ralentissez, vous perdez 50 minutes vers l'Allemagne, et léger ralentissement également vers Bruxelles entre Cherat et Herstal. Des travaux encore sur le N25 Bastogne-Liège entre Gomzé et Tilf, 15 minutes perdues en direction de Liège. Un accident à Bruxelles, à Anderlecht, autour de la chaussée de Mons, il y a des files en direction de Halle. Un véhicule est en panne dans le tunnel Béliard à Bruxelles, voire entité dans la plupart des tunnels de la capitale. Et sur le ring de Bruxelles, 26 minutes supplémentaires pour l'extérieur Zaventem Grand Bigard, plus 20 minutes pour l'intérieur Zaventem Carrefour Léonard et plus 13 minutes pour l'intérieur Grand Bigard Zaventem. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Dans un instant, dans ce 5 à 7, on va parler de rugby, mais pas n'importe lequel, le rugby féminin. Restez bien là, on s'intéressera à l'image du jour aussi, avec ces voyageurs, ces vacanciers qui n'ont pas pu partir. Leur vol a été annulé ce matin à l'aéroport de Bruxelles. On verra ça avec Jonathan Bradfer avant 18h. Le cactus de Jérôme de Warzé arrive lui aussi. Et puis on fait le tour de vos animaux préférés, les animaux qui vous font craquer. On parlait du baptême du panda de Péridaïsa tout à l'heure, qui s'appelle Tian Bao. Mais alors vous, quel est l'animal qui vous fait craquer? Celui où vous dites c'est trop mignon. 3063 pour me le dire par SMS. Il y a Christine de Hatt qui est avec moi. Bonsoir Christine. Bonsoir Cyril. Bienvenue ce soir dans le 5 à 7. Vous, l'animal qui vous fait craquer, c'est lequel? Ah bien, c'est Dany, hein. C'est le beau lion de Péridaïsa. Ah, c'est Dany, vous connaissez son prénom carrément alors? Ah oui, ça, on connaît tous les prénoms des animaux. Ah bah ça c'est bien, non seulement vous visitez le parc, mais en plus vous retenez le nom de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ce lion? Eh bien, je suis amoureuse des félins et quand je l'ai vu arriver au parc il y a quelques années, je suis tombée sous son charme, on va dire. Et est-ce que lui aussi est tombé amoureux de vous? Ben, j'espère bien, mais bon, pour l'approcher, c'est pas l'idéal non plus. Hein. Ça, c'est dur pour lui déclarer sa flamme, effectivement. Il faut s'assurer qu'il soit vraiment de bonne humeur. Ben, merci, Christiane. Oui, ça, c'est sûr. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous embrasse. À bientôt, Christiane. Merci, au revoir. On part à Saint-Nicolas tout de suite chez Christiane, qui est là. Bonsoir. Ah, c'était Christine qu'on avait juste avant. On va chez Christiane maintenant. Bonsoir, Christiane. Bonsoir. Bienvenue sur Vivacité, vous aussi. Vous parlez de l'animal qui vous fait le plus craquer, c'est lequel? C'est la raie manta. La raie manta? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle ressemble à un ange. C'est Et vrai? Quand on la regarde, on dirait qu'elle sourit. Oui, je vois de laquelle vous voulez parler, effectivement, avec les petits bouts d'ailes qui sont un peu blancs, là. Oui, c'est ça. Ah ouais, ouais. C'est vrai que c'est un animal, on a l'impression qu'il est toujours heureux, il est toujours en train de se marrer. Vous en voyez régulièrement? Non, malheureusement, non. Ah, c'est compliqué. Malheureusement, c'est pas facile à voir, non. Non, ça c'est vrai. Mais je note que donc pour vous, Christiane, c'est la raie mentale, l'animal qui oui, vous fait trop craquer. Oui, c'est mon animal préféré, je le trouve trop mimi et gentil. Eh ben, je vous fais des bisous, Christiane. Je vous embrasse, à bientôt. Moi aussi, je vous embrasse. À très vite, au revoir. On continue à faire le tour de vos messages en quelques minutes dans ce 5 à 7. Quel est l'animal qui vous fait trop craquer? 3063 et sur la page Facebook 5 à 7 Vivacité RTB, je vous attends. Opticien coupe les prix en deux. 50% de réduction sur toutes les lunettes, verres basiques inclus. Ça vous la coupe, hein? Conditions sur pearl.be. Mon collègue Patrick m'a invité chez lui il n'y a pas longtemps. Et c'est parti! Salut! C'était vraiment bizarre. Je te sers un petit apéritif. Magnifique! D'ailleurs, tout le monde trouve ça bizarre. Et les enfants, ça va, ça va, ça va, ça va, ça va! Allez, c'est vrai quoi, ne pas chauffer sa maison au gaz, c'est quand même bizarre. Ok, sa rue n'est pas connectée au réseau de distribution, mais alors t'appelles Primagaz, comme tout le monde. Profitez-vous aussi du meilleur du gaz. Devenez client. Surfez sur primagaz.be pour un avantage de 200€ et l'installation gratuite de votre citerne. Primagaz, le meilleur du gaz, là où le voulez. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Il est temps de se faire plaisir avec des collections à tout petit budget au carrelage Salvatore Villevorde et Rossin-Genèse.be. Nous vérifions nos mails, nous vérifions les résultats du foot, nous vérifions les horaires du bus, si le chauffage est éteint, si le chat a été nourri. Nous vérifions la date de consommation du yaourt, nous vérifions les ingrédients du pain, nous vérifions les calories. Nous vérifions tout. Et nos fenêtres. Avec le coffret bilan fenêtre Finstral, vérifiez maintenant si elles sont encore étanches, sûres et belles. Demandez-le gratuitement sur finstral.com. Imaginez-vous vivre dans une maison Étienne Piron. Laissez-vous guider et découvrez notre savoir-faire unique le week-end des 17 et 18 septembre de 11 à 18 heures, rue de la Potresse à Bouges. Étienne Piron, symbole de qualité. L'Esplanade. Envie de faire de la place intelligemment dans votre dressing? Rendez-vous le 17 septembre de 11h à 19h à l'Esplanade. Action Vite Dressing. Vous apportez 10 kg de vêtements, repartez avec une gift card L'Esplanade de 10€ et rendez service à des gens qui en ont besoin. L'Esplanade. Le shopping a changé d'air. Plus d'infos sur la page Facebook de l'Esplanade. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Oh chérie, c'est ouvert. Mais quoi? Mais Gautier, le magasin de mobilier contemporain. Gautier. Gautier? Votre premier magasin Gautier en Belgique vous propose des conditions exceptionnelles d'ouverture au 246, chaussée de Waterloo à Rhodes-Saint-Genèse, à côté de Dovi. 17h-19h, 5 à 7, sur Vivacité. On est jeudi aujourd'hui, demain vendredi. Vendredi, c'est la semaine de la mobilité qui démarre en Wallonie et à Bruxelles. Ça démarre donc demain, dimanche, et entre autres la journée sans voiture à Bruxelles. Et Vivacité est partenaire de cette semaine de la mobilité. On va vous en parler tout au long de la semaine. Le thème cette année, c'est partager la route. On s'y met tous. Et alors, à cette occasion, la semaine prochaine, vous aurez des super cadeaux à gagner en rapport avec la semaine de la mobilité. Et dans le 5 à 7, vous repartirez avec un très beau vélo électrique. Donc restez bien là. On vous sensibilise aussi tout au long de la semaine sur le fait de ne pas envoyer de SMS au volant, c'est super important. Mais s'il vous plaît, pas de GSM au volant. Un message des parents d'enfants victimes de la route. Comme nous. 5 à 7. Ah ben oui, le haka, c'est pas que des gros barbus qui le font. Il y a aussi des femmes qui font le haka et qui jouent au rugby. Il y a un club qui fête ses 35 ans chez nous en Belgique, on va en parler avec Joëlle Verzin. Vous êtes une des joueuses à l'initiative de l'équipe d'Ovalie et donc de rugby féminin en Belgique. Bonsoir Joëlle. Bonsoir. Bienvenue dans ce 5 à 7. Ce week-end, oui, vous avez fêté les 35 ans de votre club. Mais alors, ce qui est dingue, c'est la façon dont ce club a démarré. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez démarré il y a 35 ans ? Alors, il y a 35 ans, ben, c'était tout simple. On avait des petits amis, des frères qui jouaient au rugby. Et on s'est dit, tiens, pourquoi pas nous ? Et ouais, en cachette, on s'est entraîné. Puis, on a fait un match d'exhibition. Et puis, on s'est pris au jeu. Et on voilà comme tout a commencé. Mais c'est génial. Ça. Et en cachette, pourquoi ? Parce que vous vouliez d'abord être bonne avant de vous montrer parce face à vos hommes. On voulait pas être ridicule. On voulait quand même avoir les rudiments du rugby. Et puis on voulait faire vraiment la grosse surprise lors d'un tournoi. Ouais. Et c'est comme ça qu'on a démarré. Et puis tout le monde s'est pris au jeu et on est resté une équipe pendant quelques temps. Puis ça s'est amplifié par la suite. Aujourd'hui, il y a un championnat qui existe en parallèle des hommes. Il y a un championnat de rugby féminin. Absolument, il y a un championnat, il y a deux divisions, il y a autant d'équipes en Flandre qu'à Bruxelles et en Wallonie. D'accord. Et donc c'est vraiment un gros championnat maintenant. Les règles sont exactement les mêmes ou pas? Parce que c'est quand même, on va pas se mentir, fort violent le rugby. Alors, je vous arrête. C'est pas violent, c'est comment brutal, mais pas violent. Ah, brutal, d'accord, excusez-moi. Mais pas violent, voilà, on ne cherche pas à faire mal à l'autre. Non, mais parfois on perd une oreille, on perd une dent. Non, ça arrive rarement. C'est un sport de contact, donc forcément, il y a des contacts, c'est brutal, mais je veux dire, c'est... Voilà, oui, c'est le but n'est pas de se frapper, non, ça c'est sûr. Exactement, on ne tire pas les cheveux, en principe. Et il y a des règles, du coup, qui sont adaptées par rapport au rugby masculin ou pas ? Non, dans l'ensemble, non, ce sont les mêmes règles que pour les hommes. Non, il n'y a rien, tout est pareil. Même la troisième mi-temps, elle est pareille ? Alors oui, ça, on a bien pris le pli aussi à ce niveau-là. On fait parfois même mieux qu'eux. Il y a un battle nous, là-dessus chante, aussi. Voilà, exactement. Ça vous arrive de faire des matchs, parce qu'il y a donc la compétition féminine, mais des matchs mixtes ? Non, c'est vraiment exceptionnel, mais on n'aime pas du tout ça, parce que la force, quand même physique, n'est pas la même. Oui. Et puis, les hommes, je pense, auraient trop d'orgueil à être battus par des femmes. Donc, c'est soit ça, soit effectivement, il y a ce côté-là, on est battu par des femmes, ou alors, on n'a pas voulu y aller trop fort parce que vous êtes des femmes aussi. Ça, c'est le genre de choses que vous pourriez entendre. Si on veut voir un match de rugby féminin, on peut vous voir quand jouer ? Alors, les filles, en général, jouent le samedi. Donc là, soit si c'est à domicile, c'est chez nous, au Royal Kituro Rugby Club. Sinon, c'est dans tous les clubs de rugby de Flandre et de Wallonie. Mais c'est en général le samedi. Et les entraînements se passent la semaine. Là, les jours, j'ai un petit trou de mémoire parce que ça a changé récemment. Non, de toute façon, on vous laisse vous entraîner tranquille. On vient vous voir pour les matchs. Ah oui, mais moi je fais de la publicité en même temps. Vous avez bien raison. Ça coûte cher justement, si on est une femme, qu'on a envie de se lancer dans l'aventure, qu'on a envie d'aller toucher un petit peu du ballon ovale, comment on fait? On doit sortir beaucoup d'argent pour être membre? Absolument pas. La cotisation annuelle est entre 200 et 250 euros. D'accord. Et là, on vous a perdu. Est-ce que vous m'entendez encore, Joël? Oui, je vous entends. Ah, voilà. Vous aviez lâché votre téléphone, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non. Tout d'un coup, plus rien. Ah bah, Joël, la communication est vraiment compliquée pour la suite. Mais on a bien retenu. Et, ah bah, tant qu'on vous entend, donc, peut-être un site internet où on peut trouver les infos et vous rejoindre? Les infos, on peut les trouver sur Sport qui pique éventuellement. Sinon, sur le site Ovalie ou sur le site Kituro. Rugby Club Kituro, voilà. Ah ben voilà, le message est passé, on cherche sur Google, Google est notre ami, il nous dira exactement. Aller vous voir. Merci Joël, et encore bon anniversaire alors, à bientôt. Avec plaisir, merci à vous. Il à est bientôt. 17h45. 5 à 7. On quitte le rugby féminin pour s'intéresser à une autre compétition. Ça se passe à La Rochelle, en France, c'est le Festival de La Rochelle. Dans ce festival, il y a des fictions qui sont présentées et dans le jury, il y a Yves Bigot, un des anciens patrons de la RTBF qui est à la tête de ce jury en France et qui doit sélectionner des fictions. Et aujourd'hui, il y a un appel dans la presse en disant « bah, il n'y a pas assez de fictions belges qui ont été présentées, pourtant les Belges ne sont pas trop mauvais, ils sont même super bons, c'est ce qu'on peut lire. Bonsoir Yves Bigot. » Bonsoir. Bienvenue ce soir dans le 5 à 7 de Vivacité. Vous êtes donc merci, à La Rochelle. Merci. Déjà, faites-nous rêver, il fait bon en ce moment à La Rochelle, c'est bien? Alors, il fait très très bon aujourd'hui. On annonce malheureusement de la pluie pour demain, mais aujourd'hui, il fait un temps absolument idéal. Vous n'êtes pas loin du Fort Boyard, là, du coup? Ah, juste à côté. Moi, je suis allé pendant des années, quand j'étais à France 2, hein, pendant 8 ans, je suis allé à Fort Boyard, effectivement. Ah, vous êtes rentré dans les pièces, vous avez fait des épreuves? Ouais, mais nous, on les testait pour s'amuser, mais on était très très mauvais, on les foirait toutes. Hein. D'accord. Alors, vous êtes à la tête, donc... Je connais le père Foura, hein, je tiens à vous dire. C'est vrai? Je connais personnellement le père Foura. Vous avez une chance, parce que depuis tout petit, tout le monde le regarde, le père Foura, à la télé. Vous le connaissez personnellement. Il va bien? Eh oui. Écoutez, il va pas mal, vous avez vu des audiences de feu sur France 2. Ah, ça marche bien, ouais. Ah, ça c'est sûr, cette année ça a bien fonctionné. Yves Bigot, vous êtes donc à la tête de ce jury au Festival de La Rochelle. Alors, où on présente des fictions. Je dois préciser, c'est pas le jury, moi je préside le comité de sélection. D'accord. Et qui a donc sélectionné hein, parmi les films et les séries qui étaient en compétition, voilà, ben, ceux que nous proposons au jury qui lui est présidé par Isabelle Carré. Et donc vous avez dû regarder des heures et des heures de fiction, on nous parle de 80 heures de téléfilms donc, que vous avez regardé. Ouais, vous avez pris combien de kilos? Une soixantaine d'heures. Et j'ai réussi à ne pas manger trop de pizza et je ne bois plus de bière depuis que j'ai quitté Bruxelles. D'accord, ça c'est la bonne nouvelle. Comment on fait pour choisir ce qui sera présenté pendant le festival? Écoutez, on le fait déjà parmi donc la soixantaine hein, de films qui nous sont proposés à la compétition. Ouais. Et moi, j'ai surtout voulu, hein, avec mon comité, hein, où étaient représentés un peu tous les métiers de la fiction, Claire Borotra, une comédienne, des productrices, des producteurs, Thierry Binisti, le réalisateur, Solène Roy, qui est une auteure et créatrice de séries. On a essayé, nous, effectivement, de donner une sélection qui soit resserrée, de manière à ce que ça soit pas juste un catalogue hein, de films où il y ait un peu voilà tout et n'importe quoi, de manière à essayer d'affirmer quelque chose un peu de ce qu'est la fiction française en 2016 et effectivement ce qu'on a aimé et ce qu'on a un peu privilégié, ben, c'est les films qui sont vraiment ce qu'est la fonction de la fiction, c'est-à-dire d'être le miroir identitaire d'une communauté, donc la communauté en l'occurrence chez nous ce sont les Français dans toute leur diversité et dans toutes les problématiques très fortes de notre société qui est très tendue en ce moment, hein, comme vous devez pouvoir l'observer, qui est très exaspérée, etc. et où le lien social est extrêmement distendu. Donc on a essayé de privilégier d'abord, d'une part, ce qu'on trouvait être les meilleurs films, hein, les plus innovants, les plus intéressants, mais aussi ceux qui avaient un vrai sens pour leur diffusion en France, puisque ce sont des films qui vont être diffusés fin 2016 et courant 2017. Quoi. D'accord. Donc ceux qui avaient le plus de sens pour les téléspectateurs citoyens. Dans la DH, aujourd'hui, vous avez déclaré lors d'une interview qu'il n'y avait pas assez de fiction belge présente dans ce festival de La Rochelle, qu'il n'y en avait même pas en fait. C'est-à-dire, moi, j'ai une histoire d'abord très particulière hein, avec la fiction belge et le Festival de La Rochelle, puisque quand j'étais à la RTBF, hein, Melting Pot Café, qu'on avait produit, qui était le retour hein, de la fiction à la RTBF, ouais. avait non seulement été sélectionné, mais primé en plus à La Rochelle, et c'était la première fois qu'un film non français était, une série en l'occurrence, était primé dans le Festival de la fiction française. Là, cette année, simplement, c'est dommage que La Trêve, qui est un grand succès, qui est diffusé en ce moment sur France 2, ouais. vraiment... Voilà, une autre série qui va être diffusée bientôt sur TF1, qui est une autre série de la RTBF, etc., qui démontre vraiment voilà, la réussite hein, de François Tron et des équipes de la RTBF. Je trouvais dommage qu'on ne les retrouve pas à La Rochelle. Mais en fait, la raison pour laquelle on ne les trouve pas, c'est qu'ils ont déjà été présentés dans un autre festival qui, lui, ne s'intéresse qu'aux séries, et que donc le timing par rapport aux dates de... qualification possible pour La Rochelle n'étaient pas les bons, mais je trouvais que c'était dommage parce que c'est un très très bon exemple de ce qu'on peut faire d'intéressant, de très réussi, et en plus avec des budgets qui sont très inférieurs aux budgets qu'on a nous en France. Donc je trouvais que c'était voilà, dommage. Vous ne disiez pas ça juste parce que c'était un média belge, quoi. Vous le pensez vraiment je le pense vraiment, et en plus, voilà, d'abord, je suis voilà, très admiratif hein, du travail que font François et ses équipes et la RTBF. Et les producteurs évidemment avec lesquels ils travaillent. Et puis moi-même, j'avais fait Melting Pot Café, je vous dis, à la RTBF et à tort ou à raison aussi, qui avait été diffusé sur France 3, qui était une coproduction entre la RTBF et France 3 à l'époque. Eh ben merci beaucoup Yves Bigot d'être intervenu ce soir dans le 5 à 7. On suivra le palmarès de ce festival de La Rochelle. Et puis, le palmarès. Eh ben on suivra ça et à bientôt peut-être en Belgique, vous repassez. Ah ben très volontiers, je viens à Bruxelles à peu près une fois tous les deux mois, évidemment, puisque je représente la Fédération Wallonie-Bruxelles à TV5 Monde sur l'ensemble de la planète. Dont vous êtes le directeur général pour le moment. Merci beaucoup voilà. Yves Bigot, je vous souhaite une bonne soirée, à très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous et à Vivacité. Il est 17h50, dans un instant, c'est le cactus de Jérôme de Warzé qui arrive, vous l'avez peut-être raté ce matin. Ça tombe bien, on le réécoute dans le 5 à 7, et puis l'image du jour, c'est juste après ça. Bientôt à Anderlecht, préparez-vous à acheter moins cher toute l'année. Mais comment font-ils ? Découvrez-le sur electrodepot.be. Electrodepot. Action spéciale automne en carrelage et sanitaire. Les prix chutent comme les feuilles, quel que soit votre style. Vous trouverez votre bonheur pour votre habitation au Carrelage Salvator. Il est temps de vous faire plaisir avec des collections à tout petit budget. Des prix vraiment plus qu'accessibles. Des milliers de mètres carrés de carrelage à tout petit prix. Venez découvrir nos offres exceptionnelles dans nos showrooms de Vilvoorde et Rode-Saint-Genèse. .be. Viva Bruxelles présente la fête des familles pour l'inclusion des personnes handicapées. Dans une ambiance festive, participez à une foule d'activités pour tous, aux ateliers créatifs, à des spectacles ludiques. Rendez-vous le 17 septembre au stade Tordel à Schaerbeek pour la fête des familles, à l'initiative de la commune de Schaerbeek et du gouvernement francophone bruxellois. Michel emmène François faire un tour à bord de sa toute nouvelle Seat Ateca. François n'en croit pas ses yeux. Et ça c'est quoi ça? C'est le chargeur mobile sans fil. Ah, et ce truc-là, là, ça, c'est... L'écran de la caméra TopView. Ah bah oui, oui. Bah oui. Excité par la richesse de l'équipement du Seat Ateca, François n'arrête plus. Et ce bouton, il sert à quoi? Bah activer le frein à main électrique. Et celui-là, là, c'est... Bah, ça c'est mon bouton de manchette. Ton bouton de manchette. Ah, bah, bien sûr, évidemment. Nouvelle Seat Ateca avec freinage automatique d'urgence. Le SUV le plus équipé du marché à partir de 19 990 euros. Découvrez-la lors de nos portes ouvertes du 14 au 24 septembre. Seat. À la maison, profitez plus et payez moins, grâce à l'Internet et à la télévision digitale d'Orange. À partir de 39 euros par mois, vous rapprochez de l'essentiel. Orange. 3, allez Patrick, 2, pas trop tôt, hein. 1 et go. N'attendez plus que la nuit tombe. Profitez du tarif de nuit aussi pendant la journée. Devenez client chez Essent.be et recevez jusqu'à 3 ans le prix de l'énergie de votre facture d'électricité au tarif de nuit. Infos et conditions, Essent.be. Ce samedi et ce lundi chez Brico, tout est à moins 15% avec la carte de fidélité Mon Brico. Moins 15% avec la carte Mon Brico. Demandez-le en magasin, elle est gratuite. Pour les makers, Brico. Jusqu'à 19h, 5 à 7 avec Cyril. Vivacité. Et avec Jonathan Bradfer qui me rejoint pour l'image du jour. Bonsoir Jonathan. Bonsoir. Alors pour cette image du jour, on va évoquer le plus grand cauchemar du voyageur. Ça s'est passé aujourd'hui à l'aéroport de Bruxelles. Ben oui, imaginez-vous avec votre petite famille à l'aéroport, le sourire aux lèvres, prêt à vous envoler. Vous avez sué pour boucler les valises, amener le chien chez la nounou. Vous avez stressé dans les bouchons. Vous avez fait la file au contrôle de sécurité. Et au moment de vous détendre, billet en main, on vous dit que votre vol est en retard ou pire, même annulé. Eh bien cette galère, c'est encore arrivée chez nous, chez Belgo Control, l'organe qui gère la circulation dans le ciel belge. Problème technique, problème de réseau, de communication entre Bruxelles et Liège apparemment. L'espace aérien de nouveau restreint pour permettre aux aiguilleurs du ciel de travailler au compte-gouttes. Résultat, plein de retard, 15-30 minutes, plus de 3 heures pour certains. Une quinzaine d'annulations de vols aussi et d'autres qui ont la surprise d'atterrir à Francfort plutôt que Bruxelles. Près de 150 vols à nouveau impactés chez nous aujourd'hui. Bon, si c'était une première, on pourrait dire ça passe encore, mais là j'ai l'impression quand même que ça se répète. Oui, oui, tout à fait. Si Belgo Control était un revendeur informatique d'ordinateurs, bien on ne se presserait pas chez lui en tout cas. Journée noire le 27 mai 2015, c'était il n'y a pas si longtemps, blackout complet, ciel belge fermé, grosse pagaille à la suite, juste, si vous me permettez l'expression, d'une bête surchauffe informatique. Ah ouais. Et puis il y a quelques mois, c'est une surchauffe sociale qui avait aussi bloqué l'entreprise, des certificats en pagaille, beaucoup d'employés malades, souffrant avec de gros guillemets, du coup là aussi l'entreprise bloquée. Bref, voyager vers, depuis ou par la Belgique en ce moment est pour le moins hasardeux, c'est vraiment pas bon en termes d'image. Rapidement Jonathan, si on doit prendre l'avion ce soir ou demain, c'est en ordre ou pas? Impossible de répondre pour le moment, ils disent que la communication est en train d'être rétablie mais il y a encore bon nombre de vols qui sont impactés. Merci Jonathan, on se retrouve tout à l'heure dans le 15 minutes sur la 2 et demain dans le 5 à 7. Voici le cactus de Jérôme de Warzé. Jérôme, des perquisitions ont donc eu lieu cette semaine à l'hôtel communal de Mons. Mais parfaitement Benjamin, Ruyen Dudunderdeg à le mâle et Elio femelle. Nous en saurons plus lors d'une conférence de presse programmée à 10h ce matin. Et déjà, Christophe, grand dilemme journalistique, que choisir, puisqu'à 10h se tiendra en sus la conférence de presse annonçant le nom du bébé panda de Paris Days. Ah ben c'est vite fait. Quelle gageure cornélienne d'ainsi couvrir tous ces grands sujets internationaux ennuyés. Je vous rappelle que les internautes avaient le choix entre 5 propositions, Tianbao, Xing Ao ou Xing, Yuali ou Antoine, prénom André, sans doute, on ne sait pas, avait été retiré de la liste le prénom Elio, puisque tous les votants lui préféraient systématiquement celui de Raoul. Non, Raoul est de Beau ne doit pas en prendre ombrage, mais le régime chinois a refusé que le petit ursidé soit baptisé du prénom d'un homme encore plus à gauche qu'eux. La police fédérale est donc intervenue au service des étrangers de Mons. Enfin, je veux dire au sein du service des étrangers de Mons. Je le précise in fine, car je voyais déjà une partie de notre auditorat froncer le sourcil en disant « pour une fois que la police est au service des étrangers ». Dénigrant pour Elio Di Rupo, la police étant à son service depuis la mort de Charles Quint. La stupéfaction était totale hier de la part des citoyens traînant dans les parages administratifs et puis la colère aussi. Vous débarquez au guichet de bon matin, 8 personnes vous y précèdent, vous avez le ticket 584 et on sert le 12. À 15h58, votre tour est enfin venu et au moment où vous adressez la parole au guichetier, il se fait coffrer par la police. Ça, c'est quand même pas de bol. Hein. Lorsque la police intervient dans l'administration, c'est l'autorité qui s'attaque à l'autorité. Ils fonctionnent entre eux. Ils n'ont plus besoin de nous, si ce n'est pour notre argent. Tout lien avec la famille royale est évidemment voulu. Les mains en l'air, ont-ils crié, au sein du service montois concerné. Il a fallu un peu de temps pour convaincre les personnes présentes, parce que ça fait plus d'un an et demi qu'Elio Di Rupo demande de ne jamais mettre les mains en l'air dans sa commune, et ceci pour éviter d'effleurer, de toucher ou de faire s'effondrer tous les brawls d'Arne Queens. 12 personnes ont été interpellées. 12, quel fort monopolicier, des manchots qui réalisent des exploits de cette ampleur, c'est l'effet paralympique. L'effet, un employé aurait distribué des faux titres de séjour contre rémunération. Ça, c'est déjà complètement dingue. Des types paient pour habiter dans le Hainaut. Vraiment, ça. Oh. Ils vont apprécier. L'histoire ne dit pas si l'on avait ensuite 7 jours ouvrables pour renoncer à son achat après avoir réalisé la situation ou qu'on ne trouvait pas la nouvelle gare, par exemple. D'après la police, nous avons affaire ici à une filière permettant à des personnes venues d'Afrique d'obtenir des permis de séjour illégalement. Et ça n'a aucun lien avec le football. Et ça, c'est... Maintenant, tout cela ne me surprend guère. Je me doutais bien que l'octroi de titre de séjour à Mons était louche. Prenez les pandas, ils n'y sont certainement pas arrivés en montrant patte blanche, par exemple. Après, on ne peut pas blâmer les étrangers. Obtenir le titre de séjour en étant un parvenu, c'est déjà faire preuve de bonne intégration dans la culture belge. Et puis, être exploité économiquement par une administration, c'est aussi montrer son soutien total à la population. Certains employés distribuaient de faux contrats d'emploi, et c'est sans doute cela qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs, parce qu'un contrat d'emploi dans le Hainaut, enfin, ça suffit maintenant. Mais moi, je suis pas d'accord avec lui, il a dû jusqu'au bout. Mais je ne vous demande. Mais je le sais, mais je le dis quand même. Les 12 hommes se sont laissés emmener par la police avec une soumission telle que si l'on n'y prêtait pas attention, on pouvait croire qu'il s'agissait du match Bruges-Leicester. Dégâts collatéraux de taille, le cœur des lieux de Dirupo saigne si abondamment ce matin que la Croix-Rouge a fait des réserves de plasma pour 5 ans. En effet, lors des perquisitions, les enquêteurs ont indiqué vouloir trouver avant tout les PS à conviction. Nous prévoyons des visages rayonnants. Fédéral Assurance, l'assureur qui partage ses bénéfices avec vous. Ce matin, Dominique, on aurait pu imaginer une terrasse pour ce soir, mais là, c'est un peu mort. Hein. Ah non, effectivement, les gouttes ne devraient pas tarder. Elles sont peut-être déjà là sur votre région. Ce sont des averses qui s'installent, des minima de 12 à 15 degrés pour la nuit prochaine. Et c'est un changement d'air annoncé qui se met en place. Demain, encore quelques rares averses le matin, mais enfin, le retour des éclaircies l'après-midi. Donc ça devrait aller maxima 19 à 24 degrés. Mais une zone de pluie assez active va arriver demain soir à partir du littoral. Le rafraîchissement va se poursuivre pendant le week-end. On va revenir à des valeurs normales pour la saison. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, ils ont encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Fazam, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Oh, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Vous écoutez Vivacité, il est 18h. Doegbert, MS Mode, Ali Burton, plusieurs dizaines d'emplois sont menacés dans ces entreprises. Restructuration ou faillite, les différentes annonces sont tombées aujourd'hui. On fera le point dans ce journal. La rentrée parlementaire a eu lieu aujourd'hui. Déjà un faux pas de la part d'un député libéral flamand. Il a tenu des propos racistes à l'égard d'une députée socialiste d'origine marocaine. Dans ce journal, nous nous rendrons au centre William Lennox à Otigny. Julien Watrin du relais 4x400 mètres a rendu visite aujourd'hui à des adultes et des enfants atteints d'un trouble neurologique. Soirée historique pour le football belge. 4 clubs sont engagés en Europa League. Les premiers matchs des phases de poule, c'est ce soir. Anderlecht ouvre la danse à 19h face à Kabala. Les détails, c'est dans un instant dans le journal des sports. Le journal sur Vivacité, c'est avec Justine Hermans. Bonsoir Justine. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Nouveau coup dur pour l'emploi. Plusieurs entreprises annoncent aujourd'hui leur intention de fermer. C'est le cas notamment de Doegbert à Grimbergen dans le Brabant flamand, Lionel Denebourg. Oui, 274 travailleurs sur la sellette. Le site pourrait fermer dès janvier prochain. À Grimbergen, le groupe néerlandais produit des dosettes et des cafés en grains. La direction justifie son choix. L'usine est trop petite pour faire de gros volumes et trop cher pour des volumes spécialisés. Une faillite aussi, celle de MS Mode. Oui, 220 personnes travaillent pour la chaîne de magasins de vêtements. Au total, en Belgique, il y a 46 boutiques MS Mode. Aucun candidat repreneur ne s'est manifesté jusqu'à présent. À Drogenbos, c'est Ali Burton qui risque bien de fermer. Une cinquantaine d'emplois pourraient disparaître dans cette société américaine qui offre des services pétroliers. Enfin, pas encore de certitude, mais la crainte est là chez ING, la banque. Les syndicats attendent des réponses claires de la direction, mais faute de réponse, ils ont quitté ce midi le conseil d'entreprise. Les rumeurs évoquent d'énormes pertes d'emplois, 1000 suppressions, voire beaucoup plus. Depuis le début du mois, les restructurations et les fermetures s'enchaînent. Plus de 4000 emplois sont menacés et on parle bien des menaces directes, sans compter les nombreux sous-traitants de Caterpillar notamment. Des voyageurs déçus aujourd'hui dans les aéroports de Bruxelles et Charleroi. Des dizaines de vols retardés au départ et à l'arrivée, d'autres supprimés en cause une panne technique chez Belgo Control. Les voyageurs ont dû attendre parfois plusieurs heures. Le problème n'est toujours pas totalement résolu, mais l'impact sur les vols est à présent contrôlé. Sept hommes et cinq femmes font partie du jury pour le procès Bernard Westphal devant les assises du Hainaut à Mons. La composition a eu lieu ce matin. L'ancien député wallon est accusé du meurtre de sa femme Véronique Piroton. Ce matin, lorsqu'il est arrivé, il s'est exprimé brièvement. Il a dit qu'il réservait ses explications aux jurés et à la cour d'assises. Il a aussi dénoncé la boucherie médiatique dont il est l'objet. Le procès, lui, commencera réellement lundi avec la lecture de l'acte d'accusation et l'interrogatoire de l'accusé. Le procès durera trois semaines. Les députés fédéraux ont fait leur rentrée aujourd'hui à la Chambre. On peut parler d'une rentrée chahutée aujourd'hui. En plein débat sur Caterpillar, le député fédéral OpenVLD, Luc Van Biesen, est accusé d'avoir lancé une remarque raciste à l'adresse de Myriam Kittir du SPA, le Parti Socialiste Flamand. La socialiste d'origine marocaine s'exprimait à la tribune et y dénonçait, selon elle, l'absence de réaction de la part du gouvernement fédéral dans le dossier Caterpillar. L'élu OpenVLD lui aurait lancé un « retourne au Maroc », ce qu'il dément. Les détails avec Pierre Magos sur place. L'incident s'est produit alors que s'achevait le débat sur Caterpillar, brouhaha sur les rangs socialistes flamands. Plusieurs députés interpellent le banc de l'OpenVLD visant directement Luc Van Biesen. La députée SPA Myriam Kittir raconte. Quand je suis retournée à ma place, mon collègue Luc Van Biesen me dit « retourner au Maroc ». Et ça, ce n'est pas... Je ne peux pas l'accepter, c'est irrespectueux et je ne peux pas laisser passer ça. C'est grave pour moi, mais aussi pour tous les gens qui tous les jours sont confrontés aux discriminations. Une version que conteste immédiatement le libéral flamand Luc Van Biesen, affirmant n'avoir jamais tenu ses propos, s'excusant s'il a été mal compris, mais sans convaincre, pas même au sein de son propre parti, où on dit maintenant regretter l'incident, donc sans chercher à nier que les propos ont pu être tenus, mais prenant acte des excuses, fin de l'incident, du moins provisoirement. Margot Blay reprendra dès ce lundi ses fonctions à la FGTB. Il était en incapacité de travail pour raison médicale depuis le 22 août dernier. Le secrétaire général de la FGTB avait été momentanément remplacé par Jean-François Tamellini. Il reprendra donc son poste ce lundi après un petit mois d'absence. 6 personnes ont été blessées cet après-midi à Paris, 5 policiers et 1 manifestant lors d'une manifestation contre la loi travail. Cette loi qui a été adoptée cet été malgré plusieurs mois de contestation partout en France. Cet après-midi, 12 personnes ont aussi été arrêtées. En marge des Jeux paralympiques, on va pousser les portes du centre neurologique William Lennox à Otigny. C'est un centre où l'on retrouve des adultes et des enfants atteints d'un trouble neurologique. Accident de voiture, chute à cheval, d'une table à longer, maladie génétique. Néanmoins, via le sport, il est possible de retrouver le plaisir de la vie, Justine. Et aujourd'hui, Julien Watrin, membre du relais 4x400 mètres, a rendu visite aux patients de ce centre, le centre William Lennox. C'était dans le cadre de leur journée sportive et Arnaud Montero y était. Martin a 12 ans et il a surtout une énorme cicatrice sur le haut du crâne. Là, je tombe en roller sur ma tête. S'en est suivi un long coma et au réveil, de grosses séquelles sur le plan mental. Je suis colérique et la mémoire. Des troubles qui ont une énorme incidence sur sa vie, à tel point que son éducatrice et infirmière Fabienne Charlier refuse de parler de miraculé. Au niveau médical, c'est un miraculé, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est miraculé quand on était tout à fait un jeune normal et puis que l'accident fait que vous devez revoir tout votre projet de vie. Néanmoins, la vie continue et même si Martin, Franco ou Céla sont moins alertes, l'arrivée de Julien Watrin, membre du relais 4x400 mètres, est vue comme une bouffée d'oxygène. Ils sont impressionnés, la manière de gérer ça par le sport, tout le soutien psychologique aussi derrière, qui est, avec l'expérience, je me rends compte que c'est extrêmement important. Donc c'est un plaisir d'avoir apporté peut-être ma petite pierre à l'édifice aujourd'hui. Car sa venue n'est pas juste là pour mettre en lumière le centre neurologique William Lennox. Elle a aussi et surtout une vertu thérapeutique. Même si on a bien récupéré d'une maladie neurologique ou d'un accident de la route, on a perdu pas mal d'années de sa vie. On n'est plus tout à fait comme avant au niveau psychologique et au niveau cognitif. Ça leur permet de les aider par rapport à une estime d'eux-mêmes. Voilà, c'était un reportage d'Arnaud Montero. Merci beaucoup Justine pour ce journal. Dans un instant, c'est le journal des sports qui arrive. Avant ça, on part sur les routes. C'est le RTBF Mobile Info, c'est avec Antoine Binamé. Bonsoir. Bonsoir, on a des ralentissements sur le 40 Bruxelles-Aix-la-Chapelle au niveau du chantier de Cherat, principalement vers l'Allemagne. Depuis Recours, vous pouvez compter une heure supplémentaire vers l'Allemagne. Ralentissement sur la 602 Loncin-Chesnay vers Chesnay, entre Loncin et Valbenois, comptez 40 minutes supplémentaires. Au niveau de Bruxelles, ça ralentit toujours sur le ring en circulation extérieure. Zaventem-Grand-Bigard, encore une demi-heure perdue actuellement. En intérieur, Zaventem-Carrefour-Léonard, ça va mieux, 20 minutes perdues actuellement. Deux autres choses à vous signaler, un accident sur le 429 Halle-Tournay à hauteur de Halle, bande de droite neutralisée vers Tournay, et des gros embarras de circulation sur le 411 Bruxelles-Namur à hauteur de la sortie Rixensart vers Namur. On vous conseille de ne pas prendre cette sortie et de préférer une sortie avant Rosières ou après Wavre, mais en tout cas d'éviter ce secteur. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Sur vandenborg.be, vous verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborg le fait. Vandenborg. Vivacité, le journal des sports. On retrouve François Zaleski. Bonsoir François. Bonsoir Cyril. On va parler de foot, soirée foot bien chargée qui s'annonce. Quatre clubs belges sont engagés ce soir en Europa League. Et c'est la première fois, Cyril, que la Belgique a autant de représentants dans les poules. Les deux premiers clubs à entrer en lice sont Anderlecht et Genk. Dès 19h, les Limbourgeois se déplacent au Rapid Vienne. Les Bruxellois, eux, reçoivent les Azeris de Kabala, un adversaire a priori à la portée des mauvais blancs, mais il faudra faire attention à ne pas encaisser trop facilement, comme c'est le cas en championnat depuis le début de la saison. Les supporters bruxellois réclamait d'ailleurs le retour dans l'équipe d'Olivier De Schacht. L'entraîneur René Weiler maintiendra pourtant sa confiance en Bram Neutink. Il nous explique pourquoi. On a déjà eu un cas similaire avec Defour, qu'on a remarqué le public, une partie du public n'a pas bien aimé. Ça, je ne comprends pas. Il faut supporter tous les joueurs, aussi dans des cas qui sont un peu plus difficiles. J'ai remarqué ça, mais j'ai quand même aussi l'impression que le joueur est assez fort mentalement. Il faut tout faire, qu'il est fort mentalement. C'est moi comme entraîneur, le staff aussi, des autres joueurs. Même moi, je n'ai pas bien compris. Il n'a peut-être pas fait son meilleur jeu et son meilleur match, mais il n'a pas si mal joué comme il était critiqué. Un René Weiler avec Manu Jousse que l'on retrouvera pour le direct dès 19h sur Viva. Autre match à suivre à partir de 21h, Standard Celta Vigo. Le Standard qui va tenter de confirmer son regain de forme sous la houlette d'Alexander Jankovic, mais le Celta Vigo, cela reste un fameux client. Le club espagnol est dernier de la Liga avec 0 points en 3 matchs, mais les Rouges devront justement se méfier de la réaction d'orgueil. Les Standardmen qui joueront dans un stade à moitié vide. Si l'Europa League ne motive pas spécialement les supporters, les joueurs, eux, sont impatients de retrouver la scène européenne. Adrien Trébel, capitaine du Standard. C'est important, c'est un plus. On fait du foot pour jouer ce genre de match. Donc voilà, on a tous hâte que la compétition commence. Voilà, la saison passée, on ne l'a pas faite, on était tous déçus. Mais voilà, aujourd'hui, on a la chance d'y être. Donc à nous de faire en sorte de faire des bons matchs pour pouvoir s'amuser et prendre beaucoup de plaisir. On reste sur un bon match face à Genk. Maintenant, à nous de continuer à bosser pour faire de bons résultats, mais les ambitions, ça va être déjà le match face à Vigo, et ensuite on verra. Interview Thierry Luther, c'est coup d'envoi de Standard Celta Vigo, 21h en direct également sur Vivacité. Au même moment, la Gantoise entamera son match à Braga au Portugal. Au rayon international, l'équipe nationale belge féminine est presque assurée de participer à l'Euro 2017. Les Red Flames qui ont gagné leur avant-dernier match de qualification 1-3 cet après-midi en Serbie. Elles sont donc sur le point de participer à leur premier tournoi international d'envergure. Les Diables Rouges, eux, restent deuxième du classement FIFA publié ce jeudi. L'Argentine conserve la première place, l'Allemagne revient sur le podium au détriment de la Colombie. En tennis, David Goffin est prêt à aider la Belgique à se maintenir dans le groupe mondial. Oui, dès demain, la Belgique sera opposée au Brésil dans le match de barrage qui se déroule ce week-end à Ostende. David Goffin jouera précisément le premier match contre Thiago Monteiro, le Liégeois qui n'a plus joué depuis son élimination au premier tour de l'US Open il y a 15 jours. Une contre-performance que le clan Goffin avait expliquée par un burn-out tennistique. Le capitaine belge Johan Van Herck estime que son joueur a désormais récupéré. Assez vite après sa défaite à New York, il avait un plan en tête et c'était clair ce qu'il voulait faire. Ils ont très bien travaillé, on a très bien travaillé avec le staff. Je pense qu'il peut être très content du niveau qu'il a montré à l'entraînement et il sera prêt demain. Vous avez été joueur, vous comprenez que parfois on puisse en avoir trop. Il y a eu un trop de voyages, trop de tournois, trop de tout. Oui, mais il ne faut pas oublier, il a fait un début d'année, aux premiers six mois, vraiment extraordinaire. Il était tout près du top 10, c'est quand même autre chose qu'arriver dans le top 100. Oui, c'est sûr que c'est tout à fait normal ce qui se passe avec lui. Il y a les longs voyages avec les Jeux et tout ça. C'est sûr que ça peut avoir une influence, ça ne peut pas avoir une influence. Mais c'est tout à fait normal que dans une carrière d'un joueur, qu'il y ait des choses comme ça qui se passent. Mais c'est plus important comment on réagit et comment il réagit pour le moment, c'est très fort. La Coupe Davis à suivre sur la RTBF, bien sûr, dès demain, 14h sur la 2 télé. En cyclisme, un Belge est devenu vice-champion d'Europe de contre-la-montre aujourd'hui à Ploumélec. Victor Kampenaerts a en effet pris la deuxième place du premier contre-la-montre européen pour élite. En l'absence des meilleurs spécialistes comme Cancellara, Martin ou Dumoulin, c'est l'Espagnol Castroviejo qui s'est imposé au bout des 44 km. Et puis une confirmation aujourd'hui sur Radio Peloton. Alberto Contador roulera bien pour l'équipe Trek la saison prochaine. L'Espagnol de 33 ans précise qu'il tentera de gagner le Tour de France avec sa nouvelle équipe. Enfin, un petit détour par Rio où le handbiker Christophe Hendrick a pris la 5e place de la course en ligne des Jeux Paralympiques. Du haut de ses 51 ans tout de même, Christophe Hendrick avait déjà pris la 5e place du contre-la-montre mercredi. Merci beaucoup François pour ce journal des sports. Bonne soirée, il est 18h13. Vivacité, le sport en toute complicité avec l'ADEPS. Jusqu'à 19h sur Vivacité, 5 à 7. Vivacité. On va parler d'un des réseaux sociaux les plus utilisés. Un des réseaux sociaux, oui, c'est correct. C'est Twitter, dont on parlera dans un instant. Twitter qui a une règle très stricte depuis des années. Un message, c'est 140 caractères, pas un de plus. Eh bien, ça change un petit peu, ça s'assouplit. On verra quelles sont les règles qui évoluent dans quelques minutes. Le Grand Cactus est de retour à la télé. Vous entendez le cactus de Jérôme de Warzé tous les matins sur Vivacité dans le 8-9, dans le 5 à 7 aussi. Eh bien, la grande version en télé qui reprend. Les vacances, c'est terminé pour cette équipe. Adrien de Viveur, qui est aux commandes aux côtés de Jérôme de Warzé, sera l'invité de ce 5 à 7 tout à l'heure. On parlera aussi d'une arnaque que vous voyez peut-être passer sur les réseaux sociaux. Colruyt et Aldi distribuent des bons d'achat. Alors, c'est une arnaque, ne tombez pas dedans. On verra tout à l'heure comment distinguer un vrai bon d'un faux bon et comment ne pas se faire avoir sur Internet. Pop Story avec Marc Touesca aussi avant 19h, le best-of des enfants de cœur. Et puis, on fera un petit tour par la cuisine avec Candice Cotter dans quelques minutes. Ce soir, on parle aussi par SMS au 3063 et sur Facebook, la page 5 à 7 via Cité RTBF, des animaux qui vous font craquer. On a vu tout à l'heure le baptême du panda de Peridaïsa. C'est super mignon, mais quel est l'animal que vous trouvez vraiment super mignon? On va prendre la direction de Woluwe-Saint-Pierre tout de suite chez quelqu'un qui est avec moi au téléphone. Nancy, bonsoir Nancy. Bonsoir Cyril. Ça me fait plaisir de vous avoir Nancy, vous allez bien? Je vais très bien, merci. Vous avez passé une bonne journée au travail, repos, qu'est-ce que vous avez fait? Magnifique, sauf les embouteillages. Ah oui, ah ben, si vous êtes au cœur de Bruxelles, c'est compliqué effectivement. Ben, il faut prendre le métro, il faut prendre le tram, hein. Oui, mais quand on doit traîner son trolley, etc., le métro, c'est pas toujours évident. Effectivement, c'est pas très simple non plus. On reparlera de tout ça d'ailleurs, comment se déplacer, voilà. Puisque c'est la semaine de la mobilité qui démarre demain avec Vivacité comme partenaire. Quel est l'animal qui vous fait vraiment craquer? Alors, moi, l'animal qui me fait le plus craquer, c'est l'écureuil. En fait, j'ai habité Gré-d'Oiseau il y a quelques années, et chaque matin, j'avais un écureuil qui montait sur l'arbre, et je le voyais depuis ma salle de bain. Il n'y a rien de mieux que pour vous égayer la journée, avec leurs petits yeux comme ça. Ouais. Tout coquins, ils sont vifs, ils sont drôles quand ils sautent de branche en branche, ils sont magnifiques. Avec leurs joues toutes gonflées, là, quand ils font des réserves, oui, c'est tout beau. Oui, tout à fait, mais ils sont vraiment très, très véloces, très rapides, mais ils sont très doux. Alors, je peux le dire parce que malheureusement, j'ai eu la tristesse d'en trouver un écrasé sur la rue. Aïe. Voilà, et je profite de cette occasion pour sensibiliser les chauffeurs. Les écureuils traversent, c'est comme des jeunes enfants. Ils sont rapides, ils ne regardent pas ni à gauche ni à droite. Donc voilà, levez le pied quand vous êtes dans les zones boisées et on épargnera ainsi des petits animaux. Merci pour le message, Nancy. Il y a d'autres messages qui parlent d'écureuils au 3063. Alors, on nous dit aussi les Gremlins. Vous vous souvenez des personnages, les Gremlins au cinéma? Oui, mais je les trouve pas très beaux. Ah, sauf Gizmo. Gizmo, quand il n'est pas transformé, il est mignon quand même. Oui. On nous parle du marsupilami. Alors oui, bah, il faut juste encore en trouver, hein, puisque ça n'existe pas. Il y a la panthère noire, son regard est si mystérieux. Bonne soirée, c'est Mireille qui vous dit ça. Et alors, il y a le paresseux qui nous a été envoyé par un message. Je trouve cet animal fascinant. Belle soirée. Vous êtes d'accord, le paresseux?

Honnêtement, je pense pas vraiment. Mais je pense que c'est les prémices d'un changement peut-être plus profond à terme. Donc ils essayent au fur et à mesure, ils ont remplacé l'étoile par un cœur, ils ont remplacé les messages courts par des messages longs. Maintenant, ils remplacent ça en permettant d'ajouter des liens ou des images qui comptent pas dans les caractères. Donc au fur et à mesure, ils essayent d'assouplir, mais ils peuvent pas complètement changer la dynamique. Et c'est pas ça qui va faire qu'aujourd'hui, demain, on va passer de 1 million à 5 millions de comptes Twitter en Belgique. On en parle beaucoup de Twitter. Mais au final, qui utilise Twitter? Vous parlez d'un million de comptes. Par rapport à Facebook, ça représente quoi? Facebook, on est au-dessus de 6 millions aujourd'hui. D'accord. En Belgique. Et en Belgique, sur Twitter, c'est plus ou moins 1 million. Donc, en soi, c'est plus confidentiel. Et effectivement, c'est des gens... Alors, d'expérience, on nous dit que c'est plutôt des gens dans la communication, dans la politique, dans le journalisme qui ont une envie de communiquer ou qui ont envie ou un besoin de consommer du contenu rapidement dans un domaine spécialisé. Et ça a un impact hyper fort parce que tous les jours dans les médias, on ressort une petite phrase qui a été dite, non pas sur Facebook ou sur un autre réseau social, mais généralement c'est sur Twitter que ça se passe. Oui, tout à fait, parce qu'en fait les communautés se retrouvent là. C'est-à-dire qu'un journaliste sportif va suivre tous les sportifs qu'il peut sur Twitter. Là où Facebook est peut-être moins approprié, mais ça, c'est le cas aussi. Par exemple, chez les chanteurs, chez les artistes et autres, ça dépend. Il y en a qui sont plus Facebook, il y en a d'autres qui sont plus Twitter. Donc, voilà. Et vous pensez que Twitter va survivre? Parce qu'on sait que financièrement, Twitter n'est pas au top de sa forme quand même. Mais c'est compliqué pour tout l'ensemble de ces startups aujourd'hui de construire un modèle économique rentable et viable. On parle même de Snapchat qui aujourd'hui a énormément d'utilisateurs. Mm-hmm. Le modèle de rentabilité, il n'est pas très présent. Il y en a plein comme ça aujourd'hui. Alors WhatsApp, par exemple, ça a été racheté 19 milliards il y a quelques années. Ouais. Mais aujourd'hui, quel est leur modèle économique exact? Il y a encore un point d'interrogation là-dessus. Ouais. Voilà. On suivra ça dans les prochaines années, Cédric. Tout à fait. Vous reviendrez nous en parler, d'accord? Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée. Il est 18h24. C'est le moment de tout arrêter. Candice est arrivée. On va parler de ce qui se passe en cuisine. Bonjour Candice. Hello tout le monde. Hello Cyril. Alors ce soir, direction l'Australie pour surfer comme il se doit sur la fameuse tendance Pokémon. Même là-bas. Et surtout là-bas. Et mieux qu'ailleurs là-bas, j'ai même envie de dire. Down and Out, c'est un pop-up restaurant, donc un restaurant éphémère, ouais, qui a récemment ouvert ses portes dans un pub de Sydney. Et créé par des chefs spécialisés du burger, Down and Out s'inspire grandement du menu de la chaîne américaine, si vous connaissez In-N-Out, qui avait ouvert aussi un pop-up il y a quelque temps en Australie. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la nouveauté que propose ce resto, des burgers Pokémon. Des Pokéburgs. C'est dingue. Avec la boule et tout. Vous ne rêvez pas. Donc, en gros, les petits monstres de poche, préféré de tous les enfants, le mien en premier, envahissent le monde du burger. Avec, pour l'instant, vous avez un burger bulle bizarre, tout vert. Vous avez un burger salamèche, full orange. Ouais. Vous avez évidemment le burger Pikachu. Indispensable, jaune. Voilà, il est là, il est absolument indispensable, il trône. Chaque burger est vendu 15 $ australiens, donc c'est environ 10 euros. C'est même pas si cher, au vu de la performance quand même, du travail que ça demande. Chaque burger demande quand même vachement du travail. Mm-hmm. Il faut cogiter le burger, il faut que ça tienne. Il faut qu'on ait un bun de burger, donc un pain de burger qui ait la bonne couleur, sans que ça n'ait l'air trop bizarre visuellement. C'est ça, parce que le vert, ça peut peut-être un peu dégoûter. C'est l'idée. Donc il faut quand même que ça ait quelque chose de gustatif intéressant, mais visuellement intéressant aussi. Et je dois dire que les paris ont été bien réussis. Tout le stock de burgers, de Pokéburg, est parti dès la première soirée de commercialisation. Donc imaginez un peu, ça a été un succès fulgurant. Ouais. Le lendemain, ils ont triplé le nombre de burgers et tout est parti quand même. Donc il y a une file incroyable. Ce pop-up restaurant va certainement s'installer définitivement. Et d'autres burgers Pokémon devraient sans doute rejoindre le menu. Tout ce qui est carapuce, tous les ronflex, etc. Donc tous ceux vous qui vous connaissent. Connaissez. Et j'ai un fils de 6 ans. Donc en gros, vous avez tout sur leur page Facebook, même les photos. Je vous ai tout mis sur vivacité.be aussi, donc vous avez deux options pour aller voir à quoi ça ressemble. Franchement, c'est très fun. Et sur leur Facebook, c'est facebook.com/downandoutofficial et vous avez vraiment... Ça vous donne l'eau à la bouche et en même temps, ça vous pose question. C'est le but d'un flash tendance. Exactement. Alors, c'est juste loin pour y aller, pour tester, mais peut-être que ça peut arriver chez nous. Et on peut le refaire chez nous aussi. On peut se lancer dans l'aventure du pain hamburger avec des oreilles. Pour le verre, j'ai bien une idée. Ah, vous le préparez, vous le mangez trois semaines plus tard. Non. Il y a des chances qu'il soit vert. J'avais espéré le mot épinard. J'avais espéré le mot colorant, même à la limite, dans une autre vie. Mais pas ça. Merci Candice, à demain. À demain. I took a pill in Ibiza. Pour la suite du 5 à 7 ce soir jusqu'à 19h, de plein de choses encore. Pop Story avec Marc Touesca. On retrouvera le best-of des enfants de cœur et sur Vivacité. On vous dira comment ne pas vous faire piéger par les faux bons d'achat qui circulent en ce moment sur Facebook. On parlera aussi du Grand Cactus qui est de retour ce soir sur la 2. Vous allez vous marrer avec entre autres Adrien de Viveur et Jérôme de Warzé. Tout ça, c'est dans la suite du 5 à 7. Pendant les Audi Days, vous allez être surpris. Surpris par les conditions exceptionnelles sur l'Audi A1. Surpris par son tempérament et son agilité en ville. Et surpris par la technologie unique PJR, qui signifie « Pince-moi, je rêve ». Pendant les Audi Days, profitez des conditions sur toute la gamme jusqu'au 22 octobre. Comme l'Audi A1 Limited Edition à partir de 13 990 euros ou 129 euros par mois en personal lease. Infos et conditions sur audi.be et chez votre distributeur Audi. Chez Vandenborre, ils ne disent pas seulement qu'ils adaptent leurs prix. Ils le font. Ils suivent systématiquement les prix des autres magasins. Et adaptent leurs propres prix. Pour être toujours les moins chers. Et ils sont tellement sûrs de leur coût. Qu'ils remboursent la différence si vous trouvez le même produit moins cher dans un autre magasin. Regardez sur vandenborre.be, vous y verrez chaque jour le nombre de prix adaptés. Les prix les plus bas, tout le monde peut le dire. Mais Vandenborre le fait. TV, multimédia, électro. Vandenborre, la confiance. Hérisson, tu te dandines sur les sentiers du Ravel. Tu louvois, tu dodelines lorsque les journées sont belles. Tu dégaines tes piquants au moment où vient Manon, chevauchant son vélo blanc et pff, c'est la crevaison. Sur le Ravel, en tout temps, règne la loi du hérisson. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Exiger un parquet de qualité qui respecte l'environnement, c'est bien. Mais si en plus il est traité afin que vos enfants puissent jouer dessus sans subir d'émanations nocives, c'est encore mieux. Pour vous, pour votre santé, pour le respect de la planète, optez pour les parquets du monde. Les parquets du monde à Etterbeek. Le 5 à 7 de Vivacité continue dans quelques instants. Les 16, 17 et 18 septembre, la commune libre de l'île au Sacré vous invite à ses fêtes traditionnelles. Vendredi à 17h, ouverture officielle avec les Brussels Caledonians et Walcher and Endeuvel. Samedi à 16h, les Gilles de la ville de Charleroi. Dimanche dès midi, ambiance de fête avec le groupe Saxafon. Les 3 jours, braderie rue du Marché aux Herbes. C'est la fête dans l'île au Sacré. Toutes les infos sur îleausacré.be. À découvrir en avant-première chez CGO Center, la nouvelle Seat Ateca. Porte ouverte du 15 au 24 septembre avec des super promos sur tous nos véhicules de stock. CGO Center, avenue Louis de Brouckère, 34-36. Il est 18h30, l'heure de retrouver les titres de l'actualité avec Natacha Stragier. Bonsoir Natacha. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. L'usine de Jacobs Douwebers à Grimbergen est trop petite pour réaliser de grands volumes et trop chère pour des volumes spécialisés, notamment en raison du coût de la main d'œuvre. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole de la société. Après que la direction ait annoncé son intention de fermer le site, à Grimbergen sont produits des dosettes, du café filtre et du café en grain. 274 emplois sont menacés sur un total de 464. Manifestation partout en France aujourd'hui contre la loi travail à Grenoble. La mobilisation a pris une couleur particulière. Les travailleurs de l'usine Caterpillar ont lancé un appel à la solidarité avec le site de Gosselies, alors qu'une partie de la production belge sera délocalisée là-bas. Et certains ouvriers français seront présents demain à la manifestation de Charleroi. Une nouvelle belle soirée football en perspective. Pour la première fois, 4 clubs belges se sont qualifiés pour les poules de l'Europa League. Ce soir à 21h, le Standard recevra les Espagnols du Celta Vigo. La Gantoise jouera à Braga au Portugal. Dès 19h, Genk se déplacera au Rapid Vienne et Anderlecht accueillera les Azeris de Kabbalah. Une rencontre que suivra pour nous Manuel Jousse. On le retrouvera d'ailleurs à 19h. À propos de poules, c'est quoi l'animal que vous préférez? Alors, c'est pas du tout les mêmes poules, hein, bien sûr. Mais on en parle au 3063 par SMS aujourd'hui. L'animal qui vous fait craquer, Natacha? Il y a un animal que vous adorez particulièrement? Est-ce qu'on parle du bébé panda aujourd'hui? Vous savez, il a été baptisé. Oui, je sais. Baby P, il était mignon, hein? Oui, il était mignon. Donc j'entends que vous n'aimez pas les animaux. Bah, il... Voilà, Natacha n'aime pas les animaux, c'est ce qu'on apprend ce soir. C'est pas grave, on vous retrouve quand même à 19h. La météo avec Dominique tout de suite. Avec un changement de masse d'air qui se confirme. Demain matin, quelques averses et puis des éclaircies. Des maxima compris entre 19 et 24 degrés. Une zone de pluie assez active arrivera demain soir à partir du littoral. Un rafraîchissement qui va se poursuivre tout au long du week-end. Ça s'installe, on va revenir à des valeurs normales pour la saison. 16 à 19 degrés samedi et dimanche. Samedi dans des averses et dimanche dans un cadre de temps plus sec. Vous êtes comme Natacha ou vous aimez les animaux ? J'aime les hamsters. Les hamsters, c'est mignon, les hamsters. C'est dommage, mignon. Ça meurt vite, un hamster. 2 ans et demi. J'ai des hamsters petits qui avaient les joues qui avaient gonflé, là, ils ont explosé. Pouf. Mais ça, c'est parce qu'ils mettent la nourriture, c'est pour stocker la nourriture. Ouais, mais c'est une maladie cachent, après. Ah oui, ils vont pas exploser à cause de la nourriture. Non, ils cachent leurs graines, là, ils jouent. C'est vrai. Mais c'est mignon. Ouais, c'est tout mignon, hamster, c'est vrai, c'est super gentil. On part sur les routes tout de suite, c'est le RTBF Mobile Info. Comment ça se passe? Est-ce que ça coince quelque part? C'est Antoine Binamé qui va nous le dire. Eh bien, ça coince toujours pas mal sur le 40. Bruxelles-Aix-la-Chapelle, au niveau du chantier de Chorat, comptez 35 minutes supplémentaires vers l'Allemagne. Des ralentissements sur la 602 Lons-Saint-Chenay, depuis vers Chenay, pardon, entre Anse et Angleur. Vous pouvez compter une quinzaine de minutes supplémentaires. Ralentissement sur le ring de Bruxelles, mais assez habituel à cette heure-ci. Le tronçon le plus ralenti est en extérieur, Zaventem Grand Billard, 20 minutes supplémentaires. Accident sur le 429 Halle-Tournay à hauteur de Halle, bande de droite neutralisée vers Tournay. Et puis toujours ces ralentissements sur le 411 Bruxelles-Namur au niveau de la sortie Rixensart. On vous déconseille de prendre cette sortie et plutôt d'envisager une sortie avant ou après pour éviter les problèmes. Blavier, mon partenaire pour construire ma maison. Maison Blavier. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Dans un instant, c'est Pop Story qui arrive avec Marc Toesca, l'histoire de Wade qui vous sera racontée comme tous les soirs. On s'intéressera à des bons, des faux bons d'achat qui circulent sur Facebook concernant Colruyt et Aldi. Comment ne pas vous faire avoir? On y revient dans quelques minutes. Il y aura les enfants de cœur avant 19h également. On s'intéresse au cactus, le grand cactus qui est de retour ce soir sur la 2. Mais avant, un petit tour sur vos SMS au 3063 concernant les animaux que vous préférez. Les animaux devant lesquels vous pouvez vous dire ce truc. Oh, il est trop mignon. Il y a Fabrice de Remicourt qui est là au téléphone près de Warem. Bonsoir Fabrice. Oui, bonsoir. Bienvenue dans le 5 à 7. Vous, vos animaux préférés, c'est lesquels? Le chevreuil et le cerf. Alors attention, j'ai pas dit les meilleurs à manger. Hein. Les animaux préférés, non, les non, plus non, beaux, non, les non. plus mignons. Hein. Ah, les plus beaux, moi j'adore ces bêtes. Qu'est-ce qui vous plaît chez eux? Oh ben, le, comment, donc, le qui vit fort sable, qui vit fort meute et tout ça. Et, mais... les gens ne font pas trop attention sur les routes. Parce ah ben, c'est comme les écureuils problème. Tout à l'heure, effectivement. On disait qu'il faut faire attention sur la route. Il y a un autre message qui nous parle des petits lapins. Vous aimez aussi, vous, les petits lapins ou pas? Oui, oui, tout ce qui est... J'aime bien les lapins, j'aime bien les chiens. Ah ben, ça, c'est bien. Et alors, il y a un autre message qui nous dit, moi, c'est l'hippocampe. C'est plus original. L'hippocampe, ça vous parle ou pas? Oui, ça me parle aussi. Mais j'adore, en général, j'adore tous les animaux. Ah bah, j'entends bien ça, effectivement, puisque tout a l'air de vous plaire. Merci pour votre message, en tout cas. Et puis, je vous laisse avec votre chevreuil et vos cerfs dans votre région, alors. Il y en a beaucoup chez vous? On en tue beaucoup pour le moment. Donc, on vient d'en avoir 5 ou 6 de tués par voiture. Donc, aïe. Bon, bah, soyez prudents sur les routes, alors. C'est le message de Fabrice. Fabrice, je vous souhaite une excellente soirée à Remicourt. À bientôt. Allez, bonne soirée, oui. Au revoir, Fabrice. Il est 18h36. Jusqu'à 19h, 5 à 7. Ça faisait des mois qu'on attendait, ils sont en fin de retour. Qu'est-ce qu'on a comme vacances quand on travaille dans le Grand Cactus, dis donc Adrien de Viveur hein? Bah oui, c'est vrai, si je ne travaillais que dans le Grand Cactus, j'aurais de bonnes vacances. Wow, bah après il y a un projet qui vous prend un peu de temps, vitamine, mais voilà, ça démarre quand ça, on le sait déjà? Alors ça démarre le 26 septembre, dans un peu plus d'une semaine. D'accord, bon bah d'ici là, on va parler... On aura l'occasion d'en reparler. Bah oui, bien sûr, on vous accueillera. Il y a le Grand Cactus qui est de retour ce soir, vous avez eu plusieurs mois pour préparer des bonnes blagues, on va revenir sur les Jeux Olympiques et Paralympiques ce soir avec vous. Oui, tout à fait, les Jeux Olympiques à Rio en 2016 qui ont été un bon cru pour les Belges, hein, puisqu'on a eu pas mal de médailles, et notamment une médaille d'argent... dans la discipline du hockey, une discipline qu'on connaissait pas encore très bien et qui finalement est un peu sortie de l'ombre grâce à ces Jeux Olympiques, grâce à la RTBF aussi qui a diffusé tous les matchs. Ouais. Donc on va recevoir le gardien de cette équipe olympique belge de hockey. Carrément, on a un extrait de ce qui se passera ce soir à la télé, écoutez. Vous avez décroché la médaille d'argent au dernier JO. C'est bon, exact. Ça a dû être la fête dans le vestiaire. Ouh là là, mais c'était... tu veux parler de du cinquième carton, c'est ça. C'est-à-dire hein, que ce qu'on appelle le cinquième carton. C'était de la folie, mais de la folie. On est tous allés au bar du village olympique. On a commencé à picoler, on a pris un spritz. On avait tous la tête qui tournait. Non, c'était des malades. Tout le monde nous appelait les fous, quoi. Kiki l'innocent, donc, qui sera le gardien de cette équipe des Red Lions ce soir sur votre plateau. Ça vous a fait plaisir de tous vous retrouver? Vous êtes bien marré au tournage? Alors, on a été super contents pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il n'y avait pas de clim dans le studio, donc je peux vous dire qu'on était en nage. Il a fait très très chaud. En plus, voilà, c'est ça, on explique que ça a été tourné hier, qui était juste la journée la plus chaude. La journée la plus chaude, la journée de mon anniversaire aussi, donc ça c'est une journée bien chaude. Joyeux donc on a pu faire la fête après. Merci Adrien. Merci. Toujours aussi bon chanteur, Cyril. Ah bah ça ne change pas. Je me suis entraîné quand même pendant l'été. J'entends. Mais on était très contents de se retrouver. Et puis on va aussi parler d'un phénomène qui a fait le buzz pendant tout l'été et dont on a beaucoup parlé, c'est les Pokémon Go. Hein. Ah oui. Alors là, vous les avez chassés, vous? Oh non, moi je m'en suis pas occupé. J'ai pas voulu perdre du temps à ça. En revanche, on reçoit sur le plateau ce soir les Pikachu qui sera sur le plateau. La classe. Qui viendra expliquer un peu la manière dont elle perçoit cette Pokémon mania. Ah bah voilà. Hâte de voir ça ce soir. Le rendez-vous est à quelle heure? Ah bah c'est à 20h25 sur la 2, hein, comme un jeudi sur deux. Soyez fidèles au poste. Il va pleuvoir ce soir. Il y a des orages partout, donc faut. Oui, donc faut être devant la télé, exactement. Bah évidemment. Eh ben merci Adrien. Rendez-vous ce soir 20h25 sur la 2. Et avant que vous partiez, on a une chanson pour vous, évidemment. Ah merci, c'est gentil. Ça vous fait quoi, 26 ans, 27? Ouais, 25 seulement. 25, vous les faites tellement pas, Adrien. C'est gentil, Cyril. Bonne soirée, à très vite, Adrien. Il est 18h39, voici l'histoire de Witt. On retrouve Marc Toesca et puis juste après, on s'intéresse à ces bons, les bons d'achat de Colruyt et Aldi qui circulent sur les réseaux sociaux. Attention, ne vous faites pas avoir. On vous dira comment ne pas tomber dans le panneau dans un instant. Pop Story. Pop Story. Marc Toesca. Penchons-nous aujourd'hui sur l'état civil de quelques stars de la pop et retrouvons leur lieu de naissance. Certains sont plutôt surprenants. Présentés comme le plus grand groupe de punk rock de tous les temps, les Clash débutent leur carrière dans la banlieue ouest de Londres avec parmi ses fondateurs Joe Strummer, un fils de diplomate anglais qui a pas mal bourlingué. C'est dans la capitale turque Ankara que Maman Strummer met au monde son petit Joe, futur terreur de la scène punk britannique. Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? Voici l'histoire, mesdames et messieurs, du plus grand Claude François qu'on ait jamais rencontré. C'est sur la rive ouest du canal de Suez que notre Clo-Clo national voit le jour en 1939. Son père travaille à la régulation du trafic maritime et la famille coule les jours paisibles dans cette belle ville d'Ismaïlia. De son enfance en Égypte, Claude François, épaulé par Étienne Rodagile, en tirera le plus émouvant de tous ses numéros 1, Alexandrie. Alexandrie. Alexandra. Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. On savait que Jeanne Masse, notre icône indétrônable des années paillettes et fluo, avait pas mal bougé avant d'exploser notre top national. Mais beaucoup ignorent que Miss en rouge et noir est née en Espagne, à Alicante, d'un papa français et d'une mère espagnole. D'une âme vagabonde, elle étudie à Paris, plaque tout pour s'installer à Rome où elle tourne pour la pub, de petits rôles au cinéma et surtout rencontre Romano Musumara qui lui écrira ses futurs numéros 1 tels que... De tous

Diffusion Menuiserie à Cours Saint-Étienne et Gosselies. Jusqu'à 19h. 5 à 7. Oh, vous allez aimer ce moment, j'ai des cadeaux pour vous. Je sais que vous aimez ça. 3063, c'est pas le numéro par lequel il va falloir jouer. Ce sera au 6003, notez bien le numéro. Vous allez envoyer le code RAVEL, R-A-V-E-L. Mais pourquoi, vous allez me dire? Parce qu'on va pas envoyer un SMS comme ça. Eh bien, pour gagner 4 entrées pour la Maison de la Science à Liège. Ça va être sympa. Plein de choses à faire grâce au beau vélo de RAVEL à 365.be. Il y a Ciné Télé Revue. Dans moins de 10 minutes, c'est gagné. Donc, si vous voulez vous inscrire maintenant, vous le faites. Vous envoyez RAVEL au 6003 pour 75 centimes le message. Et à vous, donc, 4 invitations pour la Maison de la Science à Liège. On parle des animaux que vous adorez, les animaux que vous trouvez trop mignons ou à l'inverse que vous détestez, puisque c'est le cas de la personne qui est avec moi ce soir au téléphone. Il y a qui est là? Allô, bonsoir. Raymond, c'est vous Raymond qui êtes là? Oui, bonsoir. Bonsoir Raymond, comment ça va Raymond? Ben écoutez, ça va bien. Raymond, vous êtes de Genappe et aujourd'hui vous n'êtes pas content sur un animal. Mais ce n'est pas... En fait, c'est pas que j'aime pas l'animal. Je n'aime pas ce qu'il fait dans mon coin. Ah, bah, on parle de qui, là? C'est qui vous alors, énerve? Moi, c'est le chat. Le chat. Pourquoi le chat? Qu'est-ce qu'il a fait, le chat? Le chat, il bouffe les jeunes faisans. Non. Si. Oui. C'est vrai, il fait ça, le chat? Mais écoutez, ce qui se passe, c'est que bon, moi j'habite en pleine campagne, d'accord, en pleine nature, je n'ai absolument aucun voisin, j'ai cette chance-là, et j'ai des magnifiques faisans qui tournent autour de chez moi, et à chaque fois qu'il y a des naissances, la période de naissance, les chats errants, qui sont des fermiers d'à côté, etc., ils viennent bouffer les chats, donc je préfère avoir 10 renards qu'un chat. Parce qu'un renard va manger un faisan, ouais. Il n'aura plus faim, il ne va plus rien faire. Et un chat, il va en manger beaucoup? Ah, mais il ne va pas les manger, il va jouer avec. Ah, en plus, le salaud de chat. Ah oui, un chat, il joue. Comme c'est une putain, tu fais super bien le chat. Une pelote de laine, etc. Donc, le chat va tuer par jeu. Et, donc, si j'étais citadin dans un appartement, ouais. J'adorerais un chat. Parce que heureusement, il fait pas ça avec ses maîtres. Le chat, il fait ça. Enfin, quoi que de temps en temps, on peut être en train de caresser un chat et puis à un moment, on se prend un coup de patte. On sait pas pourquoi. Il a envie. J'ai déjà eu droit à ça quand j'habitais à Bruxelles. Ça arrive. Bon, ben Raymond, en tout cas, on a bien entendu votre message. Je sais pas si les chats qui écoutent Vivacité vont y être attentifs. Ben en tout cas, voilà, on sait que vous n'êtes pas content contre les chats qui mangent les bébés faisans. J'espère que ça ira mieux. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Il n'y a rien à faire. Hein. Ouais, bah faites-leur peur, je sais pas, faites-les partir, protégez-les. Ah bah j'essaye, hein, j'aboie très fort. Ah bah ça c'est bien. Raymond, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'écouter Vivacité. À bientôt. Il est 18h49, on va parler d'une arnaque qui circule sur Facebook. 5 à 7. Vous avez peut-être vu passer des faux bons d'achat pour Colruyt et Aldi. Ça circule sur les réseaux sociaux. Et Test Achat aujourd'hui alerte en disant attention, ne tombez pas dans le panneau, ne vous faites pas avoir. On va en parler avec Jean-Philippe Ducard. Vous êtes porte-parole de Test Achat. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir tout le monde. Bienvenue ce soir dans le 5 à 7. Alors sur Facebook, on voit passer de tout. On voit des offres promotionnelles dans tous les sens. Et dont des bons pour Colruyt et Aldi qui en fait sont des arnaques. Dites-nous comment ça marche et comment pas tomber dedans. Alors, c'est sûr que Facebook est devenu un terrain de jeu pour les arnaqueurs et que ça a amplifié le phénomène. Et c'est vrai qu'on trouve depuis pas mal de temps, c'est une arnaque qui est apparue déjà en 2014, des bons de valeur de 200, 300, voire 500 euros à faire valoir auprès de grandes enseignes. Et c'est évidemment l'arnaque, le principe même, le leitmotiv, c'est de dire ben, ce qui est trop beau n'est pas vrai. Et donc, en l'occurrence ici, on essaie en fait de détourner vos données à caractère personnel par une technique de hameçonnage, hein, ce qu'on appelle le phishing en anglais. Ouais. On essaie de détourner vos données, donc adresse email, éventuellement même des numéros de carte de crédit, des numéros de compte bancaire. Et à ce moment-là, on va essayer éventuellement de siphonner certains avoirs sur vos comptes. Mais jusque-là, en tout cas, les bons de valeur sont simplement là pour être une espèce d'attrait, donc de piège dans lequel certains vont tomber et vont communiquer leurs données pour essayer d'obtenir ces fameux bons qui sont tout sauf réels. Comment on fait pour savoir si on est face à une vraie offre ou pas? Alors, disons que l'offre, souvent, si c'est une arnaque, elle est souvent très grossière. Hein, donc, ici, en l'occurrence, on l'a dit, des bons de valeur de 300, 400, 500 euros. Ouais, c'est trop beau. C'est quelque chose d'un peu inimaginable, en tout cas dans le, je dirais, dans le domaine des bons de valeur, des bons d'achat. Deuxième chose, parfois la présentation est également très grossière. Et ce que l'on conseille généralement dans ce cas-là, c'est d'aller voir sur Google d'où vient cette offre, si l'offre est réelle, s'il y a vraiment des promotions pour le moment qui sont actives. Et on va vite se rendre compte que derrière tout ça, il y a une arnaque. D'accord, donc on fait vite une petite vérification et comme ça, on ne tombe pas dans le panneau. Merci Jean-Philippe pour vos conseils ce soir et on sera très prudents. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt. À très bientôt, bonne soirée. Au revoir. 18h52, il est l'heure de retrouver le best-of des enfants de cœur avec Christophe Bourdon. Les enfants de cœur. Les enfants de cœur. Chers amis, nous voici réunis entre nous, dans le petit théâtre entre nous de Hête, pour honorer la mémoire d'un ami trop tôt disparu, David Bartholomé. David, tu nous as tragiquement quittés en voulant brancher ta guitare électrique dans la prise de courant de la loge de Jean-Jacques Brunin. Une prise qui était réservée à son sèche-cheveux et qui n'avait donc plus servi depuis plus de 30 ans. Le choc électrique te fut fatal et tes derniers mots furent « Et merde, on va me comparer à Claude François. » Cher David, je sais que tu nous écoutes de là-haut. Oui, je dis de là-haut car nous avons dû ranger ton corps dans le frigo à l'étage du théâtre. Ce ne fut point chose aisée car dans ce frigo, il y avait déjà un plateau de pêche au thon qui restait de notre précédente venue à Hête il y a plus d'un an déjà. Mais comme nous l'a si bien dit l'organisateur, moi je n'aime pas jeter quand c'est corbon. Ce qui nous inquiète un peu, David, c'est que ce même organisateur nous a aidé à ranger ton corps dans le frigo et qu'il nous a dit juste après « C'est bête de le jeter, il a corps l'air bon. » David Bartholomé, tu as passé ton enfance à Arlon et c'est à l'âge de 19 ans que tu es parti vivre aux États-Unis. Ce qui, quand on y pense, est plus logique que de passer son enfance aux États-Unis puis de venir vivre à Arlon. Je ne dis pas que les États-Unis c'est mieux qu'Arlon, mais en même temps, imaginez un peu un film américain fait par des Arlonnais. Bonjour Batman, je vous fais le plein de votre Batmobile ? Non, ça va, fieu, je vais à la Martelange. Ah, je vois que vous avez rempli votre grille du loto. Bah oui, j'espère que j'aurai le Joker. C'est Arlonnais. David Bartholomé, 5 ans après ton exil américain, tu reviens en Belgique où tu enregistres tes premières démos. Tu vas alors les présenter au producteur de Dalida, qui le refuse en te disant « Encore des mots, toujours des mots, rien que des mots. » Puis, c'est sous le nom de Nose Kitchen, la cuisine du nez, que tu t'inscris au premier concours-circuit, que tu remportes haut la main. Et Dieu sait si c'est compliqué de jouer de la guitare haut la main, sauf si la guitare est placée sur une escabelle. Mais en même temps, pourquoi mettre une guitare sur une escabelle ? Oui, David, ton départ laisse tant de questions sans réponse. David Bartholomé, juste après ta victoire au concours circuit, tu annonces que tu abandonnes le nom de Nose Kitchen, qui ne veut rien dire, pour le remplacer par celui de Charcot, qui ne veut toujours rien dire. Oui, David, tu étais un garçon constant. Je pense que je peux le dire maintenant que tu n'es plus là. Après avoir interrogé tes proches, j'ai découvert que Charcot était en réalité un hommage à ton père qui était boucher charcutier. Boucher charcutier, c'est comme boucher charcutier, sauf qu'au lieu de vendre de la charcuterie, tu vends de la charcoterie. Et là, public de Hête, vous allez me demander d'une seule voix, c'est quoi de la charcuterie ? C'est quoi de la charcuterie ? Je vous l'ai dit, c'est ce que vendait le papa de David, vous êtes boucher ? C'est d'ailleurs dans la charcuterie de ton papa qu'est née ta passion pour la musique, puisque dans cette charcuterie, on y trouvait des abats. David, tu nous manqueras à tous et à toutes. Et dans cette équipe, nous garderons cette dernière image de toi dans les coulisses, en train de manger des choux de Bruxelles, en nous disant « Sur scène, ça va gazer !» Voilà pourquoi, mon cher David, je conclurai cet hommage par ces mots de circonstance. Repose en paix. Bon vent ! Christophe Bourdon ! 5 à 7. Retour des enfants de cœur demain dans le 5 à 7. Et d'ici là, si vous voulez participer à l'émission aux prochains enregistrements, vous pouvez retrouver toutes les infos sur vivacité.be. On prend la direction de Oupay où Salvatore m'attend au téléphone. Bonsoir Salvatore. Bonsoir Cyril. Bienvenue sur Vivacité. Vous avez passé une bonne journée, Salvatore? Oh oui, agréable avec le soleil. Ah bah, et le soleil, j'espère que vous en avez profité, parce que là c'est fini, hein, maintenant. Ce soir il fait mauvais, ça va rester comme ça. Bon Salvatore, vous avez envoyé un message tout à l'heure, est-ce que vous voulez partir à la Maison de la Science à Liège? Bah, j'ai 4 entrées pour vous, c'est gagné, c'est cadeau. Ah c'est super. Eh bah, ben profitez-en bien, amusez-vous bien et vous nous direz comment c'était, d'accord? Pas de problème. Bonne soirée Salvatore, à bientôt sur Viva. Également. Au revoir. Il y a du foot qui arrive ce soir. Comment ça va David? Très bien, et vous Cyril? Bah, ça va bien, grâce à vous David Oudrey, on va passer la soirée à suivre tout ce qui va se passer en Europa League ce soir. C'est un record, hein, je le rappelle, en Coupe Européenne. Il y a eu Bruges en Ligue des Champions hier, ça s'est pas bien passé. Mais 4 représentants en effet ce soir, avec entre autres Anderlecht Kabala qui va commencer dans un instant, qu'on va suivre en direct et en intégralité, en principe avec Manuel Jouz. C'est pas en Azerbaïdjan, mais on a du mal à se connecter. C'est vrai, il y a des soucis de ligne. Bah, si vous voulez, je le commente, hein. Vous restez avec moi? Ben, y a quelqu'un qui tape dans la balle et qui la passe à un autre joueur et qui vient de la perdre. Voilà, je peux faire des commentaires. Je vous laisse les noms des joueurs de Kabala et je m'occupe ceux du Sporting Anderlecht. Ah ben on peut se marrer. Ah ben ça va être bien. Il y a combien de matchs alors au total? Il y en a 4. Enfin, il y en a beaucoup plus que ça. Évidemment, c'est en deux parties de soirée comme souvent, 19h-21h en Europa League. Tout à l'heure, on aura aussi Standard Celta Vigo. Ça, c'est à 21h05. Ouais. Ce sera avec Thierry Luther. Ça vaut le détour ce match. Hein. Les Espagnols. Le standard en renouveau, ouais. Ça peut être pas mal. Ça va être intéressant à suivre. C'est en direct, bien sûr, sur Vivacité. Ça démarre juste après le journal de 19h. Passez une excellente soirée sur Viva. Et à demain pour un nouveau 5 à 7 dès 17h. Et en accompagnement, le chef vous propose un émincé de rhizome de soja aux graines germées de navet chilien. Non, merci, je préfère nature. Votre maison aussi, préférez la nature avec Naturhome. Découvrez vous aussi la qualité des maisons et villas en bois Naturhome lors de nos portes ouvertes à Anus le 18 septembre après-midi. Info sur naturhome.be. Naturhome, naturellement exceptionnel. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les comptes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vazam, ouvre-toi. Instagram, ouvre-toi. Oh crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Les souvenirs de vos vacances s'effacent, la pression vous gagne peu à peu. Lâchez tout et venez vous évader à l'hippodrome de Wallonie. Originalité, spectacle et émotion seront au rendez-vous ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'occasion des finales du derby. Au programme, courses de qualité, bar à cocktail, show équestre et animation gratuite pour les enfants. N'hésitez plus et rendez-nous visite ce dimanche 18 septembre dès 14h à l'hippodrome de Wallonie. 4 euros l'entrée, gratuit pour les moins de 16 ans. Hippodrome de Wallonie. 31 route de Wallonie à Glun ou sur hippodromedewallonie.be. Vous souhaitez gagner une nouvelle plaine de jeux pour votre commune? Rapportez toutes vos piles usagées dans un point de collecte Bébat de votre commune entre le 1er et le 30 septembre. Si votre commune collecte le plus de kilos par habitant, cette nouvelle plaine de jeux Bébat sera pour vous. Pour plus d'infos, regardez vite sur bébat.be. Bébat! Recycler ensemble, c'est mieux pour la nature. Offre spéciale rentrée du journal Le Soir. Abonnez-vous au Soir et bénéficiez d'un superbe ordinateur portable. Recevez votre journal papier le jour de votre choix. Accédez à tout moment à votre journal et au contenu numérique du Soir. Et choisissez entre deux ordinateurs parmi les meilleurs du marché. Souscrivez dès maintenant à partir de 29€ par mois sur lesoir.be/ordi et économisez jusqu'à 330€. Il est 19h. Natacha Stragé, bonsoir. La ministre de la Santé a obtenu le feu vert du gouvernement sur une répartition des quotas des numéros INAMI entre la Flandre et la communauté française pour 2022, contrairement à ce qu'elle avait affirmé tout à l'heure à la sortie du Conseil des ministres. La clé de répartition proposée par la commission de planification a été modifiée. La Flandre bénéficiera de plus de numéros INAMI car certaines pénuries menacent d'imaguille de bloc pour la Flandre. Elle pointe un nombre de médecins excédentaires auxquels sera à l'avenir. Elle demande aussi au gouvernement de la communauté française d'approuver rapidement un examen d'entrée pour la première année de médecine. 274 emplois perdus à Grimbergen. Le groupe Jacobs Douwebert veut stopper la production. Le café produit et distribué à partir de Grimbergen sera transféré vers d'autres